jeu de rôle qui s'appelle L'Empreinte. Alors, je reprécise à nouveau hein, que c'est vraiment un jeu de rôle en crash test. Hein. C'est la première fois que je le teste avec vous. Et donc, du coup, c'est possible que la partie soit bof-bof. Hein. Je ne peux pas vous promettre une partie géniale. Ce que je vous demanderai, bah, c'est d'être bienveillant, évidemment. Dès qu'il y a un problème qui vous empêche de jouer, il faut le signaler et on répare en direct, entre guillemets. Hein. Après, il y aura peut-être des règles où on a le sentiment qu'elles sont un peu bizarres, mais tant que ça ne nous empêche pas de jouer, on les pousse jusque dans leurs limites, quoi. Si vraiment ça nous empêche, on change la règle vite fait. Après, c'est possible que moi aussi je change des règles en cours de route parce que vraiment c'est embêtant. Et donc on va jouer jusqu'à 16h45. Donc ça nous fait... Oh bah c'est pas trop mal en fait, ça fait presque 3 heures. Et donc à 16h45, après on s'accorde une demi-heure à peu près de débriefing. Est-ce que vous avez lu le texte de règles que je vous ai envoyé? Oui. Ok, super. Alors je vais quand même refaire l'intro, c'est juste pour qu'on se la remette en tête. Hein. Donc, le jeu L'Empreinte nous propose de survivre en forêt à une transformation qui nous submerge. Donc, je refais vite fait le décorum. Hein. C'est dans le monde de Milvaux. En fait, Milvaux, c'est notre monde, hein, sauf que tout est tombé en ruine. Donc, notre civilisation, nos infrastructures, notre technologie, nos mœurs. Et ce qui reste continue à s'effriter. Alors il y a la forêt qui envahit tout, elle s'infiltre partout, elle prend toute la place, la nature est devenue folle, le béton est devenu du sol, les arbres éventrent les infrastructures. On a aussi l'oubli c'est quelque chose qui ronge les gens, c'est-à-dire que la mémoire se corrode, elle se déforme, on perd la mémoire par grappe entière, et les propriétés de cette mémoire sont bouleversées, quoi. Ensuite, on a l'égrégore. L'égrégore, elle capte c'est une énergie qui capte les émotions, les peurs, les croyances des gens. Et c'est une force qui s'en nourrit pour transformer l'environnement, quoi. C'est-à-dire que l'environnement, finalement, est transformé par nos émotions, quoi, hein, malgré nous. Également, il y a les Orlas, qui sont des monstres qui apparaissent dans la forêt et ailleurs. Parce que là, vous allez voir que l'intrigue se passe dans un village au milieu de la forêt, mais bon, les monstres peuvent apparaître à l'intérieur du village, hein, faut pas se croire à l'abri. Les plus puissants d'entre eux sont les déités Orla. Au-dessus de tous les Orla, il y a Shub-Niggurath, qui est la chèvre noire aux 1000 chevreaux, une entité de vie et de mort, suprême et immonde, qui gît dans le sous-sol de Milvaux. Bon, vous savez, c'est très riant, hein. Et enfin, pour conclure, et ça c'est le plus important parce que c'est vraiment en fait le cœur de ce jeu en particulier, il y a l'emprise. L'emprise, c'est une force de transformation qui submerge le monde de Milvaux. Donc les ruines, la forêt, l'oubli, les Grégor et les Orlas, en fait, alimentent l'emprise et en font partie d'une certaine manière, quoi. Finalement, tout ça, c'est tout ce que je vous ai décrit avant, c'est l'une ou l'autre des expressions de l'emprise, quoi. Alors, il faut savoir, et là, je ne vais pas vous les relister, mais vous les avez lus dans le texte, qu'il y a plein, plein de sortes d'emprises. Donc là, j'en ai sélectionné une en particulier que je vous tiens pour ma menace principale. Je vous la tiens secret, hein, ça va être révélé au fur et à mesure de la partie. Donc, il est possible qu'à la fin de la partie, vous me dites, ah bah j'ai l'impression qu'on n'a pas vu tel aspect de l'emprise qui m'aurait intéressé. Mais ça, c'est un peu, quelque part, ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire que on va jouer qu'un aspect de l'emprise, et en plus, bon, c'est moi qui l'ai choisi, quoi. Parce que le but, c'est un petit peu de découvrir ce que c'est, quoi. Ah oui, alors, ah mince, alors, j'avais dit qu'on commençait dans un village normand, et là, je réalise que j'ai fait une, parce que j'avais une petite idée en tête par rapport à ma menace, mais je réalise que j'ai fait une entorse aux règles, parce que les règles disent, les joueuses, donc c'est-à-dire vous trois, hein, se concertent pour choisir un lieu de départ, donc là, qui n'a rien de secret, et donc il y a une liste de suggestions de lieux, alors ça peut être ici et maintenant, donc là, c'est une petite dérogation, parce que c'est censé se passer dans le futur, Milvaux. Ça peut être la forêt, ça peut être une ville squattée, une ville fantôme, une enclave au milieu de la forêt, quoi, un village, une caravane, une cache, un bunker, des souterrains, un labo, un château, un campement, un marais, une île, un bateau, ça peut être aussi un charnier, un champ de bataille, les forêts limbiques. Les forêts limbiques, en fait, c'est des espèces de forêts magiques, spectrales, qui sont en fait le lien entre notre monde et l'au-delà. Ouais, je réalise qu'il faudrait que je décrive, quoi. Hop. La forêt de mémoire. Alors, le jeu ne dit pas trop c'est quoi, hein, mais il faut imaginer que c'est une sorte de forêt où nos souvenirs sont entassés. Ça peut se passer dans un cauchemar, sur un fleuve, dans une décharge ou dans une centrale nucléaire abandonnée. Alors, ce sont des suggestions. Ça, vous pouvez inventer votre propre lieu. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on reste dans l'idée de ce village normand? Oui, moi, ça ne Ou dérange pas. est-ce que vous Moi, ça préférez me un va très autre bien. Pas de lieu, problème non sachant plus. que. Ouais, parce que je me serais adapté, hein, sinon, hein, je peux. Hein. Ok. Bon, bah, si vous êtes d'accord, on va rester sur ce village, même si en C'est fait moi. j'ai triché malgré moi. Et donc, vous allez chacun vous définir un personnage. Donc, il y a Isabelle qui avait déjà commencé. Votre personnage se définit par une vocation qui peut être plutôt guerrier, plutôt rôdeur, plutôt sorcier ou plutôt artiste. Sachant que vous pouvez avoir d'autres métiers à côté, mais on va dire que ça, c'est votre point fort, c'est quelque chose qui peut vous rapporter des dés en fait. Et vous devrez aussi expliquer pourquoi vos personnages sont inséparables et pourquoi vous êtes contraint de rester bah, dans ce village normand où on commence l'aventure. Donc il est fort possible que vous en veniez quand même à vous séparer ou à fuir le lieu, mais l'un comme l'autre sera difficile. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle c'est quoi le boulot des joueuses avant de la création de personnages ou il vaut mieux que je fasse ça après? Vaut mieux avant quand même, je pense. Ok. Donc en fait là je vais vous dire un petit peu ce que le jeu il attend de vous. Donc vous aurez le contrôle sur vos personnages, c'est-à-dire que si jamais moi ou une autre joueuse dit quelque chose au sujet de votre personnage, vous pouvez contredire le propos ou au mieux, ce qui est un petit peu mieux, un peu plus élégant, vous pouvez amender le propos, quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Mettons Julien, je décrète, je dis, ah bah en fait ton personnage il est aveugle. Eh bien, comme c'est ton personnage, tu peux me dire non, non, c'est mon personnage, il n'est pas aveugle. Ou alors tu peux amender en disant en fait il est aveugle que quand il s'est pris une grosse cuite, par exemple. De même, finalement, sur ce même principe, vous avez le droit de dire des choses au sujet des autres personnages, du décor et des figurants, mais quand vous parlez des autres personnages, bah, les autres peuvent vous contredire ou vous amender. Et si c'est moi qui, si vous parlez du décor et des figurants, c'est moi qui peux vous contredire ou vous amender, quoi. Et donc, en termes de roleplay, je vais vous demander de jouer sur la corde raide entre essayer de fuir ou de combattre la menace. Cette menace qu'il garde secrète là, ou alors être fasciné par la menace, ou encore commettre des erreurs qui vous rapprochent de la menace, ou enfin la dernière chose, c'est agir selon ses propres objectifs dans l'ignorance de la menace. Donc c'est un peu les quatre attitudes qui sont proposées quoi. Et l'idée de jouer sur la corde raide, c'est que c'est plus intéressant si votre personnage il navigue peut-être entre au moins deux attitudes quoi. Ah, c'est pas tout en même temps. Bah, ça me paraît difficile en fait Bah, de vous imposer de jouer les quatre en même temps quoi. c'est en lisant ton texte, c'est ce dont j'avais l'impression et je trouvais justement que c'était difficile. Bah, attends, je vais mettre. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que du coup je modifie mon texte en même temps quoi. Jouer d'une ou ouais, de deux ou plusieurs de ces façons qu'on va dire. Deux ou plusieurs de ces façons. Si tu veux, moi je me suis résumé le truc en deux phrases, en disant mon personnage est fasciné mais il a peur de la menace, Ok. et mon personnage suit ses objectifs et ça l'amène à faire des erreurs. Ok. Moi pour essayer de concilier les quatre. Ah ouais, toi t'es un ouf, t'essaies de faire les quatre. D'accord. Bah, c'est ce que j'avais compris, donc c'est pour ça que je te disais je trouvais ça chaud. Ouais. Non, bien sûr, non, mais effectivement, faire les quatre, c'est un peu compliqué entre. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il y en a cinq, parce qu'en fait, il y a la fuite, le combat, la fascination, les erreurs et puis l'ignorance, quoi. Ça fait cinq, en fait. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais je réécris le texte au fur et à mesure. Hop. Donc, je vais vous demander de prendre des initiatives, hein, c'est-à-dire que, bon, moi, il y a des événements qui vont vous arriver, évidemment, mais c'est mieux si vous êtes un peu proactif, quoi, soit parce que vous suivez les objectifs de votre perso, soit parce que vous faites des trucs par rapport à la menace. Ça veut dire notamment que vous avez le droit de me couper la parole, et faites-le parce qu'en plus, je suis très bavard. J'essaie de me soigner, mais c'est dur. Donc, vous voulez faire un truc, vous me coupez la parole. D'accord. Alors, si ça vous paraît un peu malpoli, vous me dites je te coupe la parole, par exemple, ou je veux parler. Et du coup, vous en profitez pour dire ce que fait, dit ou pense votre personnage. Surtout qu'en plus, c'est quand même un jeu où, d'un moment, je vais faire des grosses descriptions. Donc, il faut pas hésiter à me couper la parole. Voilà. Donc, je reviens sur la création de personnages. Donc, guerrier, rôdeur, sorcier ou artiste. Vos trois personnages sont inséparables, il faut me dire pourquoi. Et vous êtes contraint de rester dans ce village au départ, il faut me dire pourquoi. D'accord. Donc ça, je vais peut-être commencer, vu que j'avais déjà une ébauche de personnage en tête. J'avais pensé à un forgeron qui s'appelle Philippe, un gars solide d'une trentaine d'années, et donc c'est plutôt la vocation guerrier. Okay. Moi, je pense à un rôdeur qui s'appelle Crève-Tige et qui est, je pourrais, peut-être 20 ans, quoi. Tout à l'heure, ça avait coupé quand tu m'expliquais pour les sorciers. Oui, tu avais dit que tu voulais jouer plutôt un sorcier ou une sorcière. Ce que j'avais commencé à expliquer et que apparemment t'as pas entendu, c'est que les sorciers, ils peuvent avoir un côté charlatan, mais ils ont quand même de vrais pouvoirs. Et en termes de règles, comment ça se pratique? Eh bien, en fait, il y a deux types d'actions dans le jeu. Il y a les actions qui sont humainement faisables et les actions qui ne le sont pas. Et en fait, il y a que les sorciers qui peuvent tenter des actions non humainement faisables. Par exemple, s'il faut comment, s'il faut ressusciter un mort, eh ben, le sorcier aura droit à un dé, quoi. Tandis que les autres peuvent pas, n'y ont pas droit, quoi. Alors, je réalise une chose, c'est que je vais tenter un truc. Alors, c'est de, enfin, ça va un peu brider le sorcier, mais en même temps, ça va, je pense, le rendre plus impressionnant. Dans le sens où si une action est humainement faisable, on ne peut pas rajouter de dés de sorcier par-dessus, quoi. C'est-à-dire que le sorcier, il ne peut pas n'importe quoi. Quelqu'un est malade et ça paraît humainement faisable de le guérir. Bah, le sorcier ne peut pas mettre son dé de sorcier pour le guérir, quoi, en disant ouais, bah, j'utilise des trucs de sorcier pour le guérir. Non, non, le sorcier, il intervient vraiment que sur les trucs qui sont vraiment du domaine du surnaturel, quoi. Ok. Et je sais pas si je suis clair, mais Un sorcier fera pas mieux ce qu'un humain peut faire, mais il fera des trucs qu'un humain peut pas faire. ouais, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait finalement, il fait d'autres choses. Il est vraiment dans l'inhumanité, quoi, dans l'extra-humanité, quoi. Ok. Alors moi, je sais pourquoi je suis obligé de rester au village. Ok, dis-nous. Parce que j'ai besoin des remèdes de la vieille ophélane qui me permettent de lutter contre une maladie qui m'affecte depuis que je suis tout petit. Et je ne sais pas les faire moi-même, évidemment. Ophélane, ce qu'elle s'appelle, hein. Ouais. Ça Ok. te va? Ouais, très bien. Je ne sais pas si c'est physique ou mental, on verra bien. Ok, ça roule. Et bon, bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'elle, elle soit la vieille Ophélane. Elle est. Comment dire, elle quittera jamais le village. Oh ben non, de toute façon, c'est chez elle, elle est pour moi très vieille. Ouais. Donc, à la fois pour des raisons de santé, puis pour des raisons d'attachement, elle quittera jamais le village. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ton sorcier ou ta sorcière, Alice? J'étais en train de me dire que peut-être je pouvais être la petite fille de la vieille Ophélane. Ok. Et par exemple, enfin, l'aider, être son apprentie et avoir découvert des capacités bizarres, peut-être. Ok. C'est elle qui t'a révélé ton don ou est-ce qu'elle est au courant ou non en fait? Je pense qu'elle est au courant. Et qu'on a remarqué toutes les deux des événements étranges qui se produisaient autour de moi. Et donc, est-ce que la vieille Ophélane est liée au fait que tu peux pas quitter le village? Ça paraît très logique. Dans le sens où tu veux pas l'abandonner en fait à son sort, quoi. Oui. Comme tu t'occupes d'elle. Ok, super. T'as une autre occupation à part le fait d'être. Donc t'es une petite fille, t'as quel âge à peu près? Ah, t'es sa petite fille, mais en fait tu peux être âgée. J'aurais dit ça. Comme elle est très âgée. Est-ce que ça peut être intéressant si je joue une personne assez jeune Oui, bien ou sûr. Alors peut-être jouer une enfant de peut-être 12-13 ans. Histoire que ce Super. soit un peu accessible. Ouais, très bien. Philippe le Forgeron, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es lié au village, pourquoi tu peux pas le quitter dans un premier temps? Parce que la forge, c'est un peu toute ma vie, et donc comme la source et le four se trouvent au village, je suis. Ouais, c'est intransportable, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous trois, vous êtes inséparables? Là, sur le coup, non. À part faire partie de la même famille, mais ce qui est pas. Julien, j'ai oublié le nom de ton personnage, mais comme mon personnage est assez jeune et que tu viens chercher tes remèdes chez la vieille Ophélane, peut-être que mon personnage a pu te considérer comme un grand frère ou avoir voulu jouer étant petite pendant que tu allais voir la vieille femme. Possible. Moi, il s'appelle Crève-Tige. C'est plus un surnom qu'un Crève-Tige, nom, ok. tu vois. Et pour moi, c'est un rôdeur, donc il vit peut-être, enfin, comment dire, il vit aux abords du village. Il vient s'y réfugier la nuit, là où il peut dormir. Il n'a pas de maison à lui. Et le reste du temps, il doit se balader dans la forêt, chasser. Pas très bien accepté au village, tout ça. Alors, il y a eu cette famille qui a été proposée dans un premier temps. Comment tu t'appelles en fait? D'ailleurs, ta sorcière s'appelle comment? Constance. Constance. Constance, t'es attachée donc à Crève-Tige comme si c'était ton grand frère. Est-ce qu'on pourrait élargir le concept à tout le groupe en disant que vous êtes une famille de cœur en fait? Vous en pensez quoi? Oui, pas mal. Ouais, il y a peut-être Ça me eu va. un truc qui serait rigolo, c'est qu'il y a eu il y a quelques, je sais pas, il y a un an ou un truc comme ça, une grosse catastrophe au village. Et pendant cette catastrophe, il se peut très bien qu'on se soit rapproché parce que c'est comme ça qu'on a pu survivre en fait. Ouais, du coup, la catastrophe, ça aurait pu être alors. Vous avez quelque chose en tête, sinon je vous fais des propositions. C'est pour être un éboulement qui est isolé du village, s'il n'y a qu'une seule entrée et sortie du village. Ok, et donc quoi, vous avez été enseveli sous les décombres et vous en êtes sortis ensemble, c'est ça? Moi, Ouais, ouais, par exemple. bloqué au même endroit. Ouais. Ouais, ok. Ouais, donc du coup, il n'y a qu'une seule entrée et sortie du village, donc il est dans une espèce de. Presque, ouais, dans un espèce de cirque rocheux, quoi, qui le protège à la fois peut-être un petit peu des plus gros prédateurs, quoi, mais du coup, effectivement, c'est à la merci de l'éboulement, quoi. Super. Ouais, donc ouais, il y a une sorte de croissant de roches en fait qui entoure le village, quoi. Bah, il est couvert de forêt, évidemment, mais c'est quand même plus difficile pour les gros prédateurs de venir vous Bah, attaquer comme ça. vu qu'on est en Normandie, etc., Ouais. j'imagine bien une espèce de haie devenue sauvage, Un bocage, un ouais, bocage, c'est tu vois, ça, une ouais. espèce de bocage devenu sauvage qui entoure le village complètement, en fait. Et le village qui est construit bah, en contrebas, ouais, dans une espèce de cuvette, comme tu disais. Ça roule. Très bien. Alors, donc, le jeu est divisé en quatre actes. En fait, la difficulté des choses va augmenter à chaque acte. Donc, j'ai 2 heures et demie pour quatre actes. Donc, ça fait 120 plus 30, 150 divisé par 4. Ça fait 30 plus 40 plus 40 plus 40, quoi. Je vais faire un premier acte de 30 minutes. Et après 40 minutes à chaque fois. Hop. 14h45. Ok, ça roule. Eh bien, au début, ça commence. Ça commence avec la fête des moissons. Donc, faut imaginer, il y a en fait comment ils font des feux de la Saint-Jean là. Ils vont brûler les villageois en fait vont brûler une grande effigie de bonhomme de paille et de branches. Et puis donc, bah c'est quand même plutôt la fête quoi. Hein. Il y a des tonneaux de vin qui sont percés, enfin du vin. Oh là oh, attention, on est en Normandie, du cidre plutôt quoi. Et puis il y a même quelques Et du petits calva. vieux, voilà, qui sortent des bouteilles dans un petit calva quoi. Faut imaginer les bouteilles pleines de poussière là. Ils sortent ça de petites caches dans leur maisonnette avec un petit. Ils rigolent comme ça avec leur visage édenté. Ils rigolent à l'avance de ce qui va se passer quand les jeunes vont goûter au calvat. Et puis voilà, t'as les vieux qui se sont mis assez proche de la Sainte, assez proche du bonhomme qui brûle, tu vois, pour avoir bien chaud, puis qui causent entre eux. Donc il y a la vieille Ophélane hein, qui est notamment avec les vieux, quoi. Et puis il y a tous les ragots de la saison qui circulent. Tout ce qu'on a pu récolter comme potin en faisant les foins chez l'un et chez l'autre. Et puis les plus jeunes, eux, bah, ils dansent, quoi. Ils oublient un petit peu la rudesse de la saison, quoi. Et là, on se lâche un petit peu, quoi. Je pense que je suis en train d'errer un petit peu de groupe en groupe pour trouver celui qui acceptera de faire la fête avec moi. Mais que je reviens d'un séjour dans les bois, que j'ai pas tellement les moyens de me mettre sur mon 31, et donc que je ne dois pas sentir très bon. Et donc voilà, j'essaie d'aller avec les danseurs, mais il n'y a personne qui veut danser avec moi. Je veux aller avec les joueurs de dés, mais bon, bah voilà, leur partie est déjà en cours. Et finalement, je pense que je vais me diriger vers les vieux et leur calva, sachant que évidemment, il n'est pas encore l'heure de l'ouvrir. Voilà. Il y a une jeune femme une jeune femme rousse qui s'appelle Bathilde et qui est en fait c'est pas la plus jolie du village quoi ni la plus riche mais c'est sans doute la plus gentille en fait et en fait elle a vu que tu t'étais fait un peu En fait, peut-être qu'elle a vu que tu te faisais un petit peu rejeté par tout le monde, quoi. Puis elle fait, ah ouais, si tu veux, on peut danser. Bah ouais. Je sais pas bien, hein, mais tu vas me montrer. Ouais, bah je vais t'apprendre tout ça. Donc, elle part à t'apprendre comment danser. Il y a des grandes étincelles de feu hein, qui volent tout autour, quoi. Il y a des tambourins et puis tout un tas d'instruments de briquet de broc. Hein, faut imaginer, c'est bricolé avec des engins agricoles. Pense Et que, puis, juste pour vas-y. dire, je pense qu'en fait, c'est pas tant que on me rejette que j'arrive pas à m'intégrer, si tu veux. Tu Oui, vois, c'est tu. Ouais, c'est pas t'as eux qui ça, sont ouais. contre moi, c'est moi qui arrive pas Ouais, à t'es rentrer farouche, quoi. dans le truc, quoi. Voilà. Ouais, bah elle a un peu forcé en fait, entre guillemets, quoi. Oui, bah c'est ce dont j'avais besoin. Ouais. Et Mathilde, Bon. c'est ma sœur, donc moi je vois ça d'un sale œil. Tu laisses faire quand même en rangeant ton frein ou. Je laisse faire, mais je regarde un petit peu ce qui se passe et je me dis Parce qu'en qu'elle plus, va intervenir Mathilde, si on jamais n'est il y a pas un à sa première malaise. bolée de cidre là. Hein, elle est, comment dire, tu vois déjà, elle repose sa tête sur l'épaule de Crafty. Tu vois la tête qui hoche un peu, quoi, elle rigole Je vois beaucoup. ça. On voit qu'elle est un petit peu trop proche des hommes. Comment tu te comportes, toi, Constance, pendant la fête? J'imagine que je dois jouer avec d'autres enfants ou courir à droite à gauche, être un peu dans les pattes des adultes, peut-être venir déranger des adultes pendant la danse. Essayer de leur piquer du cidre. Oh, ça peut être une bonne idée. Finir les verres sur les tables. Donc tu vas comment tu vas pour piquer du cidre et en fait tu repères comment tu repères un homme un peu noir, enfin tu sais que c'est un paysan du cru en fait. Il s'appelle Patroche, c'est le Patroche. C'est avec une grosse moustache noire et puis les mal rasés, donc tu as l'impression qu'il a vraiment les joues noires, quoi. Et Oui. toujours avec la casquette vissée sur la tête. Et tu vois, en fait, il fait des signes bizarres au-dessus des bolets de cidre, de certaines bolets de cidre. J'abandonne mon idée de voler du cidre, bien, bien curieuse de voir ce qu'il fait, et je m'approche de lui, l'air mi-figue, mi-raisin, un peu déçue de laisser bon cidre, mais en même temps bien curieuse de voir ce qu'il fabrique. Ouais, ben, si tu t'approches discrètement ou avec une curiosité affichée. Un peu discrètement, quand même. Ouais. Eh ben, t'entends, il murmure des trucs, ça ressemble à du patois normand, t'as déjà entendu les vieux parler comme ça, quoi. Mais en même temps, c'est bizarre, quoi. Il y a aussi des mots chrétiens, quoi. Il dit, ouais, par Christ Jésus, des choses comme ça. Mélangé avec des trucs de démons, enfin comme ça il dit par le Christ Jésus de Lucifer. Et puis des fois il y a des mots qui sont juste incompréhensibles. Bon, de toute façon son patois, tu vois, il mange les mots, c'est un truc de fou quoi. Mais il y a des trucs, c'est pas une langue humaine quoi. C'est Ça... râpeux, on dirait comme un blaireau qui gueule quoi, ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça m'inquiète un peu. Enfin, je sais pas s'il me remarque vraiment ou pas, mais ça m'inquiète un peu. Enfin, tout de suite, je perds un peu d'entrain. Allez, tiens, on va. Bon, c'est pour tester, mais on va voir s'il te repère, quoi. Donc, moi, en tant que méchant, entre guillemets, j'ai droit à un dé, parce qu'on est l'acte 1, quoi. Plus autant de dés que tu as d'empreintes, mais pour moi, t'en as zéro. Donc, j'ai juste un dé contre toi. L'objectif, c'est que toi, tu vas essayer de lancer un ou plusieurs dés pour me contrer. Alors, moi, si j'arrive à te repérer. Je t'attrape et en fait, je t'entraîne dans. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, déjà, je vérifie. Est-ce que je suis censé dire à l'avance ce qui se passe si je gagne? Il me semble qu'on doit exposer les souhaits, oui. Ouais, alors attends. Hein, je régule plus le nom, hein, d'accord. C'est difficile pour les personnages. Ah tiens, on va tester. Je suis censé de... En fait, je suis censé vous demander l'intensité que vous voulez en début de partie. L'intensité, en fait, c'est le nombre de jets de dés par acte. Parce que, en fait, plus je vous demanderai de nombre de jets de dés, plus vous allez prendre cher, en fait, hein, tout simplement, quoi. Du coup, vous avez une idée de l'intensité que vous paraîtrait acceptable? Moi, j'aurais tendance à dire forte, mais c'est juste moi. Plus l'intensité force, plus on va, en fait, plus on va basculer vers l'horreur, hein, tout simplement, quoi. Ouais, ça me va. Pareil. Intensité forte, je dirais 3 jets de dés par. J'évalue ça, hein, 3 jets de dés à peu près par acte. Ouais. Ok. Très bien. Alors, je vérifie comment. Alors, les souhaits. Donc, tout jet en opposition. Ah oui, chaque camp annonce à l'avance ce qu'il veut obtenir en cas de réussite. Ouais, donc moi, si je gagne en tant que patroche, il va t'entraîner dans sa cahute et il va te marquer. Il va te faire une marque au fer rouge indélébile pour t'apprendre à fuiner, en fait. Sympathique. Qui comptera, alors cette marque, elle comptera comme une empreinte. D'accord. Donc, toi, comment tu dois aussi m'annoncer ce qui se passe si c'est toi qui gagne. Parce que tu peux juste dire, bah, juste, il ne me remarque pas. Mais tu peux en demander plus, quoi. Par exemple, il me remarque pas et je comprends ce qu'il était en train de faire. Ou enfin, un peu, tu peux demander un peu tout ce que tu veux, quoi. Si je peux reconnaître effectivement des choses qu'il était en train de faire, Ouais. ça pourrait être intéressant. Très bien. Donc, l'idée, c'est de collecter des dés. Alors, ça peut se faire à plusieurs, mais là, en l'occurrence, tu es un peu toute seule, quoi, hein. Les autres peuvent pas t'aider, hein, vu la situation. Donc, tu as droit à un dé, le dé d'humanité, si l'action est humainement faisable. Là, en l'occurrence, échapper à la vigilance de quelqu'un, voilà, hein, je pense que tu as le dé, tu peux lancer ce dé. Alors, tu n'es pas obligé de prendre tous les dés auxquels tu as droit, hein, parce que. Plus tu jettes 2 dés. Alors, Marc, non, non, je vérifie, mais je crois qu'il se jette un par un. Faut que je vois ça. En cas d'égalité. Ouais, il y a une notion d'escalade, hein, normalement, c'est-à-dire que on jette les dés un par un. Donc, alors, faut que je sorte mes dés. Donc, il faut des D6, hein, si jamais vous n'avez pas encore préparé ça. D'accord. Sachant qu'il y a aussi des applications. Sur le chat, il y a possibilité de jeter des dés en ligne, c'est comme vous préférez. Je vais chercher ça. Moi, je préfère les dés en Il me faudrait physique. 30 secondes. Donc, tac, bon, je vais jeter mon dé tout de suite. Donc, moi, j'ai fait 5. Donc, il faut que tu arrives au moins à faire 5, en fait. Je crois même qu'il faut que tu fasses plus parce que si on. Alors, est-ce qu'il y a. En opposition. C'est un consensus inutile de 1. En cas d'égalité. Ah oui, en cas d'égalité, il y aura mort subite. Alors, tu peux lancer ton dé d'humanité déjà, s'il te plaît, Alice? 4. Ok, donc là, si tu n'arrives pas à lancer de dés supplémentaires, tu as perdu. Donc ensuite, on voit le dé de vocation. Toi, tu es sorcière, donc là, en l'occurrence, tu n'as pas droit au dé de sorcière, puisqu'on avait dit, que ce serait uniquement dans les actions non humainement faisables. Ensuite, tu peux demander. Alors, tu peux avoir un dé d'empreinte si une de tes empreintes apporte un secours dans la situation. Tu n'as pas d'empreinte, donc on oublie. Tu peux prendre un dé de risque. C'est si ça, c'est si tu acceptes de t'exposer davantage au danger en agissant. Sachant que si tu jettes ce dé et que tu fais un 6, eh bien, comment dire? Je vais y arriver. En fait, il t'arrivera un problème qui sera décidé par le coin adverse, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire que tu ne sais pas à l'avance quel risque tu prends, c'est juste que tu prends des risques. Est-ce que les autres personnages peuvent se mêler au combat? Alors. Bah, en fait, je pense que c'est situationnel. Dans le D'accord. sens où. Il faudrait que je précise ça, quoi. Un camp de personnages. C'est-à-dire que là, dans la situation, ça me paraît assez peu logique que tu. Ah, quoi que. Ah non, je veux pas être embêtant, en fait. Il faut que tu me justifies comment tu pourrais l'aider, en fait. C'est pas à moi de te dire. Alors, D'accord. chaque personnage doit justifier pourquoi il est en mesure d'agir. Déjà, j'avais pas trop cher l'œil parce qu'il était venu me voir un peu plus tôt dans la journée. Et Ouais. il avait distrait mon attention. Et bon, j'en étais pas sûre à ce moment-là, mais plus tard, j'ai remarqué après son départ qu'il m'avait clairement volé un fer. Donc je le surveillais et je l'ai vu entraîner Constance dans sa cahute. Donc Il l'a pas non, encore fait j'ai en aucun fait. envie Il d'avancer. entraînera Constance dans sa cahute que s'il la repère. Donc pour le moment, D'accord. il est près des bolets de cidre avec Constance, quoi. D'accord. Dans ce cas, j'interviens pas. Ok. Moi, je pense que la danse étant terminée, je me dirige vers les bolets de cidre avec Bathilde. Histoire de Ok. continuer à profiter de la Ouais, soirée, quoi. tout à fait, ouais, ça roule. Et que Ce qui te plaît. j'aperçois la gamine qui est en train d'observer le vieux bizarre. Et alors, je sais pas, enfin, est-ce que, par exemple, me dire que je me tiens prêt à. Enfin, je me méfie de lui, donc si jamais il y a un truc qui se passe mal, j'interviendrai. Est-ce que ça suffit à considérer que je Ouais. l'aide? Oui, mais après, en fait, comment les dés d'humanité, de vocation et d'empreinte, ils ont été passés en revue, donc tout ça, tu peux pas les prendre. Tu peux que prendre les dés suivants. Donc, ça veut Ah, dire d'accord. que, par exemple, est-ce que tu prends le dé de risque? Bah ouais, je vais prendre le dé de risque, ouais, parce que si j'interviens, j'interviendrai probablement pas de manière. Enfin, Ouais, t'es on prêt à te verra ce qui mettre se en passe, mais. danger pour la protéger, quoi. Bah, je pense que j'interviendrai physiquement si je vois qu'il est en train de la traîner à l'écart, quoi. Ouais, bah je t'en prie, lance le dé. Ok. Oh, et ça fait deux. Bon, bah c'est super, vous arrivez à 6 contre 5. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il remarque pas Constance pour la bonne raison que comme tu te diriges vers eux, eh ben il se barre quoi. Il se barre sans avoir remarqué que Constance avait remarqué son petit manège. Donc Constance, t'as gagné grâce à l'intervention de Creftige, t'as gagné le conflit. Et ça veut dire que tu sais en fait ce qu'il est en train de faire. Et comme t'es sorcière, tu comprends qu'il était en train d'envoûter les bolets de cidre. C'est un encrodeur, quoi. Les encrodeurs, c'est les envoûteurs, quoi, les sorciers, quoi. Et donc, en fait, il D'accord. a, tu vois, il a jeté le mauvais œil sur certaines bolets de cidre. Ok. Que je décide, enfin, de renverser celle où il a jeté Ouais, ok, ça roule. Et si jamais Bathilde ou Crevetti j'en prenais que, enfin. Qu'en plus je leur dise non ou que j'intervienne un peu plus virulemment. Parce que là, on est des. Enfin, moi, en tout cas, je suis en T'es train parti pour de. boire, Bon, je suis quoi. parti Ouais, pour, quoi, voilà. ouais. Ouais. Parce que s'ils vont boire, je vais limite leur arracher des mains ou crier non. Ouais, concrètement, en fait, les bolets de cidre qu'il a envoûtés, c'est un cercle de bolets particulier. Et tu sens que les cercles, ils sont par famille. Effectivement, Bathilde s'apprêtait à prendre dans le cercle d'une famille en particulier, quoi. Et donc, elle s'arrête. Non, mais quoi, c'est le cidre de ma famille. Je peux quand même bien boire le cidre de ma famille, quoi. Et du coup, je le renverse par terre et je lui dis, mais le vieux patroche, il les envoûtait et c'était. Il faut pas les boire. Mais ça va pas? Question raconte. Question et raconte, Constance. Je continue de renverser les autres en même temps. Ok, ça roule. Tu renverses que les bolets que tu as repérés ou tu renverses tout par mesure de précaution? Je pense que j'attaque à renverser même les autres que j'ai pas repérés, mais en priorité celles que j'ai repérées. Ok, ça roule. Moi, j'essaie de lui attraper le bras pour l'empêcher. Juste cette information technique, donc vous êtes en Normandie, c'est très très très superstitieux. C'est à vous de voir, mais c'est à vous de voir en quoi vous croyez, mais il y a plein plein de gens qui croient en l'envoûtement. Ah oui, non, c'était pas la question, c'est juste que elle est en train de renverser le site partout, que nous elle nous a expliqué ça, mais qu'il y a plein de monde autour, qu'elle va s'attirer des ennuis en fait. Du coup, tu l'empêches de renverser les bolets de cidre ou Oui, je l'empêche de renverser et j'ajoute, non mais attends, va le dire à Ophélane, elle saura quoi faire, elle. J'ai l'air toute paniquée, mais je hoche la tête, je dis rien du tout et je file voir ma grand-mère. Ophélane, ouais, ok, ouais. Et du coup, je monte la garde devant le cidre. Impeccable. De fait, du coup, j'ai dit que c'était les bolets de la famille. Ça veut dire que bah, Bathilde, attention, elle en a déjà bu. Une remarque, c'était encore pas envoûté quand elle en a bu. Mais faut imaginer que Philippe, le forgeron, bah, il aurait pu en boire aussi, quoi. Hein. C'était c'est partie des bolets qui lui étaient destinés, quoi. Ouais. Bah, oui. Donc, tu vas voir la vieille Ophélane et tout. Tu lui expliques que Patroche, il a envoûté des bolets de cidre. Donc, elle prend un air bien désolé. Elle fait, Ah ouais, puis tu dis que c'est cette famille-là en particulier. Ouais. C'est grave ce que tu me dis. Et en fait, du coup, elle convoque. En fait, elle convoque Creftige et puis Philippe. En fait, elle vous convoque aussi. Ok. D'accord. Et elle vous dit, ce serait pas mal que vous surveilliez Patroche à l'avenir, quoi. Voir s'il prépare d'autres mauvais coups. Ouais. Ce soir, là. T'avais autre chose de prévu. J'aurais bien aimé. Quoi. Moi, je l'ai vu repartir vers chez lui, donc je vais aller jeter un œil. Ok. Ah bah attends, Philippe, j'arrive. Mon futur beau-frère. Je pense que, vu les propos de ma grand-mère, j'étais pas censée les accompagner, mais que je vais les suivre. Ça roule. De toute façon, vous êtes inséparables, hein, donc... Alors, Bathilde, comment crève-t-il? Elle te demande bah, pourquoi tu t'en vas si tôt, quoi. C'est Ophélane, elle m'a demandé de faire un truc. Je peux pas trop lui dire non, mais je reviens après, hein. Ok. Vois donc si t'arrives à attraper un peu de calva. Très bien, ouais, bah écoute, je vais chercher du calva et puis tu me retrouves tu me retrouves ici. Si tu reviens trop tard, eh ben je serai chez moi. D'accord. Je vois. Je sais où c'est. Ça roule. Donc pour info, votre famille, donc vos parents, ils tiennent une écurie de chevaux en fait, notamment. Il y a une petite ferme et puis d'accord. Une petite écurie de chevaux, quoi. D'accord. Enfin, petite, elle est assez grande pour le village, hein. C'est petite dans l'absolu, mais ça fait partie des plus gros fermiers du village, quoi. C'est moi qui fais les fers. Ah bah oui, tout à fait, ouais. Et donc, alors on va faire un jet de dés pour voir si vous arrivez à. Ah non, je sais pourquoi on va faire le jet de dés. Donc vous suivez Patroche discrètement. Et en fait, il n'est pas rentré. Il partait pour rentrer chez lui, mais c'était une feinte. C'est-à-dire que quand vous le voyez arriver devant chez lui, c'est une cabane qui est, tu sais, une cabane avec un toit de chaume, mais la chaume est vraiment toute moisie. Et puis il y a tout le temps un chien tout maigre qui est attaché, qui braille sans arrêt, quoi, qui hurle à la lune. Et en fait, il rentre dans sa cabane. Vous faites quoi une fois qu'il est dans sa cabane? Il rentre dans sa cabane, là, comment il allume une bougie. On regarde, moi je me tiens près de la fenêtre et je regarde par la fenêtre. Voilà, j'allais dire la même chose, donc je pense que effectivement il va tout. Je pense que tous les deux vous avez vu que je vous suivais et que Ophélane n'était pas trop pour. Que j'ai quand même la discrétion d'une enfant. Bah ouais, Malgré tout. tout à fait. Ouais. Ouais, mais Donc, comme ça, qu'est-ce on que sait où vous. t'es. Si vous réussissez votre espionnage, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Oh, j'aimerais bien voir quel mauvais coup il prépare. Ok, très bien. Moi, si je. En fait, moi, si je gagne, eh bien, je vais. Comment. Il va vous jeter un. Il va vous jeter un mauvais sort. Il jettera pas un mauvais sort à tout le monde, en fait. Il jettera un mauvais sort à l'un d'entre vous que je tirerai au hasard. Et la personne en l'occurrence sera possédée, quoi. Donc, moi j'ai toujours que un dé. Hop, j'ai fait 4. Le dé d'humanité, je vais demander. Alors, la première personne qui avait annoncé l'espionnage, je crois que c'est Creftige. Non, non, non, non, je crois que C'est Philippe. c'est Philippe, hein. Ouais, Philippe, donc tu jettes le dé d'humanité. Deux. Ok. Tu peux jeter je pense que Creftige, tu peux jeter le dé de rôdeur. Ouais. Bah j'ai fait deux aussi. Alors, on est à égalité. Alors, on peut faire une mort subite ou sinon, vous pouvez essayer de lancer un dé supplémentaire. Des supplémentaires. Un dé de risque, par exemple. Cinq. Ok. Bon, bah, bien joué. Là, vous avez été plus discret. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que il y a. Bon, déjà, c'est un bordel absolument innommable dans sa baraque. Plein d'animaux crevés qui sont pendus aux charpentes. Et en fait, il sort d'une espèce de chaudron, il sort un cœur, sans doute un cœur de bœuf, qui est planté de tout un tas de clous. Et en fait, il sort quelques clous de ce cœur de bœuf. Et vous voyez, les clous sont comme suintants, quoi. Et il se bat. En fait, il va pour sortir de sa chaumière en emportant un marteau. Ah ouais, non, non, mais moi je fais un signe à Philippe, mais il faut qu'on l'arrête là. Ouais, surtout que je veux juste préciser, c'est très facile de comprendre à la fois grâce à Constance qui est sorcière et puis Philippe qui est forgeron. Il va très certainement, en fait, il y a des chances, en fait, qui remplacent les clous de fer de certains chevaux, en fait. Donc, faut qu'on l'arrête. Vous allez faire quoi exactement, hein? Donc là, il va pour sortir de chez lui. Moi, j'ai envie de lui envoyer un caillou dans la tête, quoi, pour l'assommer. En tout Ok, cas, ça roule. l'empêcher de commettre ses méfaits. Bon, bah alors balance ton dé d'humanité. Tac, moi j'ai fait 5. Je suis abonné, j'ai fait deux. Ok. Si tu interviens, Philippe, tu peux balancer ton dé de guerrier. Oui, moi j'ai toujours mon couteau sur moi, donc je vais le tenter. Ah, tu l'assommes plus là. En même temps, un caillou Ça dans la tête, marche pas. je suis pas sûr que ça assomme bien. Oui, non, mais je suis con parce que on n'a pas même précisé. Vous voulez quoi? Vous voulez l'assommer, le capturer, le tuer? Vous voulez faire quoi? Moi, je voulais l'empêcher de bouger, pas spécialement le tuer. Plus le menacer. L'assigner à résidence, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Ça vous va tous? L'empêcher de partir, ouais. Ouais, bah moi, si je, comment, si je gagne, en fait, non seulement je pourrais, comment, je pourrais partir, mais aussi j'aurais planté un clou, en fait, dans le cœur de dans mon premier assaillant, en l'occurrence, Crève-Tige. Ok. Et du coup, tu seras envoûté, quoi. Tu vas choper Marche. une sale maladie, quoi. En fait, ta maladie que tu as d'habitude, elle va s'empirer. D'accord. Ok, donc on est à 4, hein, c'est ça, hein, vous avez pas fait des bons scores, quoi. Ouais, qu'est-ce que quelqu'un. Oui. Est-ce qu'il est possible autrement, avec mon dé de sorcière, de faire comme une force qui l'empêcherait de passer le seuil de la porte? Non, parce qu'en fait, là, ils ont tenté une action qu'on avait dit humainement faisable. Et donc, tu D'accord. peux pas rajouter ton dé de sorcier, quoi. Il aurait presque Ok. fallu que ce soit toi à l'initiative du truc. Ou alors, si tu fais ça, faut carrément qu'on rejette les dés parce que on part sur autre chose, en fait. Genre une On peut assignation partir sur permanente à ça et base. voir après. Bah, Ok, peut-être qu'on ouais, très bien. on peut dire que tu nous as vus nous déplacer l'air agressif et que c'est peut-être là que tu es intervenu avant même qu'on puisse agir. Oui, si vous préférez, oui. C'est comme tu veux. Donc je considère que du coup, en fait, ça annule vos précédents jets de dés, on repart de zéro. Ouais, c'est Ok. même pas rentable en fait. En termes de... on repart de zéro et donc du coup, eh ben, jette ton dé de sorcière. J'ai fait un. Ok. Est-ce que quelqu'un va rajouter un dé de risque? Allez, je tente. Oh, j'ai fait un aussi. Ouais, donc on peut supposer que toi, tu as essayé de repousser le. Comment? Que tu essayes de repousser le mec à l'intérieur de la baraque, tandis que Constance fait son champ de force. Donc prenant le risque de te faire blesser, du coup, c'est. Et vous êtes que à deux. Quelqu'un peut prendre un dé d'altérité. En fait, c'est si un personnage tente de transcender sa condition humaine en agissant. Et si vous faites ça, vous gagnez plus 1 en altérité. Donc votre score d'altérité au départ, il est de 0. Et il faut savoir que on va jouer en mode cauchemar. Si vous arrivez à 3 en altérité, votre personnage est mort ou devient un figurant. D'accord. Est-ce que quelqu'un Est-ce que par prend exemple, le lui balancer un caillou de manière, enfin, je viens, une espèce de lancer impossible, si tu veux, est en train d'être repoussé à l'intérieur et réussir à le choper pile dans le front avec Ouais, t'as espèce une de pierre. réflexe quasi animaux. Ouais, c'est un peu à ça que je pensais, quoi, tu vois, un truc Très bien, qui ouais. est pas normal, quoi. Je devrais pas être capable de faire ça. Donc lance le dé et rajoute-toi 1 en altérité. Et j'ai fait un. Ok, on est à 3. Le dernier dé que vous pouvez prendre, c'est le dé de bouleversement. C'est si un personnage est bouleversé par ce qui est en train de se passer. La joueuse doit expliquer en quoi la vie du personnage ne sera plus jamais comme avant et noter ceci comme une empreinte. Ça peut éventuellement me bouleverser dans le sens où la magie. Ce que j'ai découvert avec ma grand-mère, on l'utilise pas du tout comme ça. Ce qui Pour le se bien, passe quoi. autour de nous, c'est pour le bien. Et là, il cherche à faire des horreurs. Et forcément, ça change la vision que j'ai de la magie même. Ouais, carrément. Donc du coup, tu vas te noter en empreinte quelque chose comme quoi tu as découvert que la magie sert aussi à faire le mal, quoi. D'accord. C'est un traumatisme, quoi. Je crois même que je pense que là je note là, mais je pense que j'ai plutôt appelé ça un dé de traumatisme. Ça a plus marqué le côté horreur du truc, quoi. Okay. Okay. Très bien. Donc lance ton dé de traumatisme. Deux. Donc on était à combien? On a, on était à un, vous avez fait quoi? Deux fois un et puis deux. On a quatre là, ça, ou à cinq? 5. Ok, donc on a égalité, donc c'est mort subite, c'est-à-dire qu'on jette tous les. L'un d'entre vous jette un dé et moi j'en jette un aussi. Qui jette un dé chez vous? Allez, j'ai fait 4. Ok, c'est bon, bah, j'ai fait 2, donc vous arrivez à me battre. Donc en fait, le champ de force, effectivement, alors comment il peut pas sortir de sa cabane, quoi. Tu rentres quelque part, t'as maudit l'entrée ou je sais pas quoi, enfin je sais pas comment tu as fait, il peut plus sortir de sa cabane. Et donc il commence à gueuler, laissez-moi sortir! Vaut mieux que tu restes chez toi. Alors on passe à l'acte 2. Donc maintenant les difficultés, ce sera 2D. De ce qu'on a, je me mets le 15 plus 40, ça fait combien? Tac, 30, 15, 25. Comment? Laissez-moi sortir, sinon vous allez avoir des sacrés problèmes. Ce que vous avez fait, vous devez le défaire. T'as pas le droit de sortir. Pas ce soir. Et il fait comment je te préviens, toi, le locteux. Vos problèmes sont loin d'être terminés. Je suis pas le seul ici. J'ai des amis qui vont m'aider et qui vont s'en prendre à vous. Feriez mieux de me laisser sortir maintenant. Ou sinon votre vie va devenir un enfer. Bah, du coup, j'ai un peu la trouille là. Bon, on le laisse là, on s'en va. Hein. Sinon, il va nous jeter un mauvais sort ou je sais pas quoi là. Moi, je recule. Je décide de ne pas approcher de la Tu vois, il maison. fouille, il a l'air de fouiller dans ses poches à la recherche d'un truc. Ah, moi, je m'écarte de la porte, tu vois, je me cache. Moi aussi. Je m'accroche à l'un d'entre vous et pareil, enfin, je cherche à m'écarter et à me protéger. Je cache Constance derrière un arbre qui est à côté et on regarde ce qui se passe. En fait, du coup, il sort un clou de sa poche. Et puis il va comment il ramasse qui c'est, remarque le Dédris avait rien donné, je sais pas. Il commence à essayer de modeler comment il ramasse de l'argile et commence à essayer de modeler quelque chose, quoi. Genre une figurine. Ben, on le voit plus, enfin je sais pas si on le voit toujours en fait. Bah, je pense qu'en fait, y a comment? C'est ça qui est bizarre, c'est il aurait pu fermer la porte, tu vois, mais il l'a pas fait, genre comme s'il voulait que vous voyez ce qu'il est en train de faire, quoi. Ah, mais c'est un souci, vous dites que vous avez mis trop en retrait et que vous êtes dans l'angle mort, effectivement, il vous voit pas, Non, quoi. ça va, ça Vous va. voyez pas. On va dire que je me suis placé pour le voir et Ok. tu vois, pour le voir et que lui il me voit pas, quoi. Ouais, très bien. Je fais Peut-être plus que arrête! le Arrête ce que tu fais! peut-être plus que le voir, étant donné que je suis derrière l'arbre, je le sens s'il fait preuve de magie. Ouais. En l'occurrence, Ah, les fétiches avec les photos. Attendez, comment je jette un dé pour me décider d'un truc? Ok. Ouais, tu sens que bah, tout simplement, on dirait que qui veut essayer d'envoûter l'un d'entre vous, quoi. Hein. Moi, je décide de partir avec Constance, retourner chez Ophélène et lui raconter ça. Ça roule. Bah voyant qu'ils partent, je vais m'attendre parce que je suis quand même hyper curieux, quoi. Donc toi, tu continues de surveiller ce qu'il fait? Là, en fait, je surveille ce qu'il fait, mais je surveille aussi le... Comment dire? En fait, ce que je surveille vraiment, c'est la maison. Parce que moi, j'ai pas de maison. Et je me dis que s'il fait des conneries, peut-être bien que je pourrais récupérer sa maison, tu Ouais, ça roule. Ouais, ça, en plus, c'est vrai qu'elle est bien meublée. Oh, il y a des mots morts, mais ça, c'est pas ça qui va me gêner. Hein. Ça roule. Ouais. Bah, tu vois, en fait, il fait une figurine. Et comment. Il arrache le poil d'un animal mort, tu vois. Et comment il a choisi un poil qui ressemble au niveau en termes de couleur. Enfin, tu vois ça à la bougie, quoi. Ça ressemble un peu à la couleur de cheveux de Constance, quoi. Ah mais non, là, c'est pas bien ça, il faut pas qu'il fasse un truc pareil. Il est en train de lui jeter un sort. Tu fais quoi, du coup? Ben, je fais quoi? Je pense que je vais foncer sur lui pour essayer de lui faire lâcher ce qu'il a entre les mains, quoi. Ça roule. Donc, ton objectif, c'est de lui faire lâcher ce qu'il a entre les mains, quoi. Ouais, lui faire interrompre sa préparation de maléfice. Ouais. Bon, évidemment, on va acter que du coup, ce sera pourri, quoi. Enfin, il pourra plus refaire le truc, quoi. Très bien. Ouais, à la limite, ouais, enfin, j'imagine que si j'y arrive, je vais carrément le projeter, enfin, je vais le plaquer, on va renverser son chaudron ou un truc comme ça, tu Ouais, vois. ça roule. Ouais, impeccable. Eh ben, en fait, si c'est moi qui gagne, eh bien, en fait, en voulant détruire la figurine, tu fais plus de mal que de bien. C'est-à-dire que le dos de Constance sera brisé. D'accord, ok. Donc elle pourra plus marcher, en fait. D'accord. Il était déjà allé trop loin dans sa préparation de son fétiche, quoi. Ouais. Et donc ça pète le fétiche et ça lui pète le dos. Ouais, exactement, ouais. Désolé, Constance. Aïe. Ça te paraît comment Ah oui. En termes de par en fait comment ça te paraît correct en fait qui soit capable d'aller jusque-là? Parce que en fait là je dis quand même des choses au sujet de ton personnage. Parce qu'en fait, même si c'est le fruit d'un jet de dés, dès que je dis un truc sur votre personnage, vous pouvez dire non, quoi. C'est-à-dire que c'est du jeu d'horreur, donc évidemment que moi, je cherche à faire mal à vos persos. Après, vous pouvez toujours dire non. Hein, même Bah, si c'est les dés qu'on décide, quoi. on a demandé une intensité forte, alors Ok, allons-y. très bien. Je rappellerai pas à chaque fois, mais ça me paraît important de le rappeler à ce moment-là, quoi. Je note quelque part, même pendant les jeux de Ok, donc bah moi j'ai 2 dés, je jette le premier dé, j'ai fait 4, tu jettes ton dé d'humanité, J'ai fait 4. je jette mon deuxième dé, j'ai fait 4, donc on Est-ce est à que 8. ma vocation m'aide là? Rôdeur, Ouais. bah explique-moi comment. Bah, je pense que je bondis sur lui comme j'ai appris à bondir sur les lapins qui sortent des terriers, quoi. Ouais, ok, ouais, Question il s'attend vraiment pas à ce réflexe. que tu fasses ça, ouais, ok, impeccable. Et j'ai fait 2. Ça fait 6. Ok, bah moi j'ai pas de dés supplémentaires, est-ce que tu prends le dé de risque? Parce que pour l'instant, il a fait plus, c'est ça? Moi je suis à 8, hein. Ah d'accord, ok. Oui, bah oui, je vais prendre le dé de risque, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je fonce quand même dans sa cabane maudite, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Et j'ai fait 5. bien, bah c'est bon, t'arrives à le battre. Donc tu pètes son fétiche, son chaudron et tout. Et après, je me barre en courant. Ok. Du coup, alors qu'on est plus loin avec Philippe, j'hurle de douleur et je tombe à terre si je peux plus Non, non, marcher. non, non. Comment Crefty il a gagné. Ah, c'était pas un oui mais? Non, non, c'est si Non, j'échouais non, qu'il non, faut que ça se passe. c'était Ah, s'il d'accord, échouait, j'avais t'avais le compris dos en oui cassé en mais. fait. Ok. Ouais. Bah, tant mieux alors. Bah oui, fou, champagne. Cidre à volonté. Ok, donc du coup, bah il va essayer de te rattraper avant que tu te barres. Et je pense que du coup, il sort comment? Pour le coup, il essaie carrément de t'as pété son chaudron, son fétiche. Et donc lui, il essaye de te planter avec un couteau qui sert à dépecer les peaux, quoi. Ouais, Et bah moi qui est je m'enfuis vraiment, c'est mon Donc objectif. si ouais si si lui gagne tu seras comment? Bah tu seras blessé au point de perdre l'usage de ton bras, enfin tant qu'il sera pas guéri. Et en plus, tu seras blessé avec une blessure infectée, quoi. Donc, du coup, tu vas choper une nouvelle sorte de, tu vas choper la gangrène, tout simplement. Et ça me donnera le droit à une scène, au moins une scène de délire, avant même que tu puisses espérer être guéri d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça marche. Comme tout le monde court dans notre direction, j'interviens pour me battre également. Ok. Il n'arrive pas à me faire confiance. Donc moi j'ai fait 6, tu jettes ton dé d'humanité. J'ai fait 3. Hop, je jette mon deuxième dé, j'ai fait 12 au total. Wow. Ton dé de Battu. vocation, rôdeur, ouais, pour prendre la fuite, ça me paraît Oui, logique. ou Philippe avec son qui voulait intervenir dans le combat, je crois. Oui, Moi, c'est ça. j'ai un couteau que je garde toujours avec moi, que j'avais amené à la fête, donc. Ah ouais, mais attends, alors je vais être un peu chier, mais comment là, le combat, il se passe vraiment sur le seuil de la porte, parce que de toute façon, D'accord, Patroche, tu peux pas. Patroche, tu me rappelles qu'il peut pas sortir de la maison. j'avais oublié ça, ouais. Ah, Donc, c'est vrai, nous, on est déjà plus Philippe, loin. voilà, vous êtes déjà loin, hein, vous l'avez précisé, donc en fait, Philippe ne peut pas aider. Ça marche. Ouais, donc je cache Constance, ou je lui dis Hein. Ouais. ou plutôt je lui dis de retourner chez Ophélène. Et moi j'arrive en courant, mais je ne participerai pas à ce combat-là. Ouais, ça roule, très bien. Tu peux jeter ton dé de rôdeur si tu veux. Ouais, bah oui, je veux, oui. J'ai fait 4, ça fait 7. Est-ce que tu prends le comment toutouk, le dé de risque? Parce que sinon, ce sera forcément un autre. Bon, Cécile, ouais, bon, je vais prendre le dé de risque. Hein. Ok, je sais ce qui va t'arriver si tu te plantes. D'accord. Oui. Donc, D'accord, je fais 1. ok, donc on est à 8 au 8. total, c'est ça. Est-ce que tu prends le dé d'altérité? J'allais dire, je vais prendre le dé d'altérité parce que je pense que je vais pousser un cri vraiment animal et en fait faire un truc que je fais jamais au village, Ouais. c'est faire appel à l'esprit d'un animal que j'ai tué. Ok. Parce que je pense que quand je chasse, des fois, je vais peut-être bouffer l'esprit des animaux ou un truc comme ça. Enfin, Ok, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ouais. mais voilà. Super. Et avec celui-là, j'ai fait un 3. Donc ça fait 11. Ah, il faut aller. Est-ce que tu prends des traumatismes? Alors, je prendrais bien des traumatismes parce que je pense que ce qui se passe, c'est que Alors déjà, je passe à deux en altérité. Hein. Je me laisse un peu submerger par l'esprit de l'animal. Et Ouais. comme un animal acculé. Alors oui, ah, non, je ne peux pas changer l'objectif, c'est ça? Parce que j'allais dire, le traumatisme, ça peut être que comme un animal acculé, je vais lui arracher la gorge avec mes dents. Et donc ça, forcément, ça va me marquer. Mais. Bah tiens, écoute, alors faut que je note les dés, on les lance les uns après les autres. On peut changer l'objectif en cours de route. Comment? Les dés, voilà, on les lance les uns après les autres. On peut changer l'objectif en cours de route. Ok, tu changes ton objectif en cours de route, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait un 4. Donc ce qui me monte à 15. Voilà. Attends, je réfléchis. Faudra qu'on en rediscutera de cette histoire de changer Ouais. d'objectif en cours de route, voir si c'est pas si Non, c'est mais pas un problème. ça peut être que je. Comment dire, je l'attaque comme un animal et c'est ça qui me marque pour m'enfuir en fait. Ça, le but, ça reste de m'enfuir, c'est pas de le tuer. C'est Non, non, très bien, je viens de micro-réfléchir et tu peux changer d'objectif en cours de route. Donc si tu veux le buter, il n'y a aucun souci. Bah, je pense qu'au niveau traumatisme, ce serait effectivement plus marquant si je me retrouvais couvert de son sang après l'avoir égorgé sans bien comprendre ce que je ne comprends Ouais. Et donc t'as fait combien à ton traumatisme? Quatre. Ok, donc c'est bon, t'as dépassé son score. Et donc du coup, là, t'as carrément pété un câble et tu l'as buté, quoi. Bah ouais. Yes. Tu l'as tué comment, du coup? Je sais même pas si t'avais une arme sur toi. Non, j'avais pas d'arme, je pense que je te dis, je l'ai mordu. Carrément, ouais. Ah, je Ok, l'ai ouais. mordu la jugulaire ou un truc comme ça, tu vois. Donc en traumatisme, tu peux me dire, bah, tu peux écrire un truc du genre que t'as tué un homme comme un chien, comme si t'étais un chien enragé, quoi, un petit peu, Ouais. hein, c'est un truc comme ça, quoi. Ça compte comme une empreinte. Il faut savoir que si t'arrives à trois empreintes, hein, eh bien tu comment t'es hors jeu, quoi. Ouais. Et donc je pense que je suis un peu prostré sur le bord de sa hutte. Ok, bah du coup, Pas de sa Philippe, maison, pardon. c'est comme ça que tu le retrouves, quoi. Oui, j'arrive sur les lieux en courant, je suis complètement Ah, il y a du sang partout, choquée. on voit les pieds de Patroche là par terre, tout le matériel du parfait petit sorcier renversé partout. Je décide de traîner le corps à l'intérieur de la hutte pour que les pieds ne dépassent pas. Je le laisse crestier, j'entre avec moi et je prends la porte derrière nous pour que personne ne voit ce qui s'est passé. Ok. Là, je Qu'est-ce commence que vous... à fouiller un peu ce qu'il y a sur lui. Moi, je regarde autour de moi avec des yeux un peu fous, sentant une crise poindre. Alors, comment... Sur lui, en fait, il a... tu trouves un papier où c'est écrit vraiment la hâte, quoi. Et c'est tout un tas d'injonctions qu'on croirait entendre. Enfin, c'est mis je suis Satan, je suis Satan, je suis Satan, je parle de la bouche d'ombre, je parle des trous noirs de la forêt, je viens du puits qui sort des arbres. Je vous déteste, je vous pourris, tout un tas comme ça d'horreurs. Bien. Et donc, c'est tout ce qu'on trouve sur lui. Ouais. Je suis pas rentrée chez Ophélane. Du coup, je suis. Enfin, mais je suis pas allée. J'ai pas tracé la route non plus pour aller voir. Donc, j'ai peut-être vu que sur la fin et j'ai pas. Enfin, vous m'avez peut-être pas vu directement, donc vous avez fermé la porte et j'ai pas osé rentrer, donc je suis peut-être juste à l'entrée, ne sachant pas vraiment quoi faire, un peu perdue et paniquée par ce qui vient de se passer. Donc Bah, à le fleuve de l'entrée de sang la qui maison coule d'Ophélan, sous la c'est ça? porte. Non, pas d'Ophélane, de la maison de Patroche. Ah ok, d'accord, très Je suis pas rentrée toute seule, quoi. bien. Donc si j'ai bien compris, vous la faites rentrer. Et voilà, on a trouvé une espèce de vieille peau de serre qu'on a achetée vite sur Patroche. Parce qu'il y avait du sang partout. Et je fouille la maison et je retrouve le fer qui m'avait été utilisé plus tôt dans la journée. Ouais, bah, comment. Ah oui, c'est vrai qu'il t'avait volé des fers, c'est ça? Ah, en fait, du coup, faut que je sois plus. Comment plus le. J'ai un tout petit peu modifié de ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit qu'il partait avec un marteau, mais je pense qu'en fait, il partait avec un marteau et les fers qu'il t'avait volés, quoi. D'accord. Donc, du coup, tu les retrouves à côté de lui, il n'y a pas de souci, quoi. Je retrouve tout ça. Bon, sinon, la baraque, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a des crottes de rats partout, les animaux, les bêtes crevées. Il y en a qui ont des espèces de yeux de verre qui vous fixent. Il y a une odeur de fauve vraiment dégueulasse. Et puis, il y a un vieux bouquin tout moisi qui a l'air. Il y a plein de. Il a été tout annoté avec ses pattes de mouche en patois normand, là. Le bouquin s'appelle Le Petit Albert. Pour éviter de voir vraiment les horreurs autour de moi, parce que c'est enfin ça fait quand même beaucoup pour une Une enfant, petite fille, ouais. je vais me rattacher au livre qui a l'air pour se plonger dans autre chose, la lecture en principe. Ouais. Puis comme il y a quand même un côté fascination là-dedans et que ça touche quand même de la magie et que malgré tout, je lui ai découvert un revers de médaille. Je vais voir ce que c'est ce livre, l'ouvrir. Tu vois le livre, c'est une couverture en espèce de cuir, quoi. T'as l'impression que en fait, il y a des espèces de champignons, un petit peu comme les champignons qui poussent sur l'écorce des arbres, quoi. Il y a des champignons, en fait, sur la couverture. Le cuir a l'air comme poreux, et a l'air de respirer. Toutes les pages sont gondolées comme d'humidité. Elles sont toutes brunes. Elles sentent la vache fort, quoi. Et il y a plein de mousses qui ont poussé dessus. Et il y a pas mal de cloportes en fait qui sont glissées entre les pages. Et c'est une succession de symboles démonologiques. Tu vois, tu as des cercles d'invocation de démons, quoi. Comment invoquer Belzébuth, Samaël et compagnie, quoi. Tu as aussi, c'est bizarre, tu as des prières que chrétiennes, mais avec des gros mots mélangés dedans. Et puis tu as tout un tas de recettes. Comment dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un crapaud dans lequel on a planté une corne de vache? Il faut rajouter de la poudre de testicules de taureau, et puis à la rosée fraîche, les soirs de lune rousse, machin. Enfin, tu vois, il faut faire t'as plein d'incantations, quoi. Et en fait, le livre, il essaye de te posséder. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jet de dés pour résister au livre. Et si tu rates, tu seras en fait comment je t'obligerai à lancer à, en fait tu seras obligé de lancer toi-même un mauvais sort que tu auras mémorisé dans le livre, quoi. D'accord. Donc, enfin, vraiment pour lui résister, c'est moi, c'est mon esprit et ma magie qui fait barrière. Ouais, donc du coup, de toute façon, je t'aurais pas donné le droit d'humanité, t'aurais pas eu droit au dé d'humanité, donc t'as droit à ton dé de sorcière, quoi. Moi, j'ai 2 dés. J'ai 2 dés, je vais mettre 3 dés, je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, t'as une empreinte, le fait que t'as peur du mal, et ça, j'utilise ça contre toi, en fait. D'accord. Donc, premier dé, j'ai fait 3. Ton dé de sorcière, tu fais combien? 5. Hop, deuxième dé, j'ai fait encore 3, j'ai un total de 6. Est-ce que tu mets un dé? Alors, tiens, ouais, c'est marrant ça. Parce qu'en fait, on a droit au dé d'empreinte si l'empreinte d'un des personnages apporte un secours dans la situation. Je vais noter. En fait, c'est un peu. Moi, ça me paraît très logique que ton empreinte te rapporte un dé, dans le sens où le fait que tu aies peur du mal, quelque part, ça expliquerait comme quoi tu refermerais le bouquin rapidement, tu vois. On est D'accord. d'accord? Mais du coup, je dis que je vais me noter que, en fait, c'est un peu paradoxal, mais des fois, il y a certaines empreintes qui peuvent apporter des dés dans les deux camps, quoi. D'accord. Alors, faut juste que je me le note. Il est possible que la même empreinte. On a tout pour ce camp. Ok, t'as fait combien ton dé d'empreinte? Quatre. Donc là au total, t'as fait combien? Neuf. 9. Alors moi j'ai mon troisième et dernier dé. Ah bah c'est bon, tu m'as battu parce que là j'arrivais à 7 seulement. 8. Bon, très bien. Donc c'est bon, tu résistes au bouquin. Du coup, enfin, je le referme et je le jette, quoi. Je veux m'en débarrasser. Bah, tu peux jeter au feu, hein, par exemple, si tu veux. Ouais. Je le jette au feu. Voilà, donc le truc crépite, en fait. C'est presque comme si tu avais lancé une bestiole vivante dans le feu, quoi. C'est vraiment un drôle de... un sale bruit, quoi. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah, juste pour information, parce que là il reste 10 minutes avant la fin de l'acte. Il y en a plusieurs qui ont pris de l'altérité. Faut savoir que pour baisser votre score en altérité, vous devez faire une scène d'introspection. Où vous vous reposez sans qu'il y ait un danger immédiat ou alors vous pouvez réfléchir sur votre condition. Enfin, grosso modo, c'est. Bah, j'allais dire que c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de d'intégrer ce qui vient de se passer, quoi. Et toi, ta scène d'introspection, tu la ferais dans cette cabane maudite? C'est ma future maison. Je décide de jeter pas proche dans la cheminée avec le bouquin. Ok, c'est dégueu... ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ça fait une espèce de. C'est comme si Patroche qui touchait les flammes de la cheminée et c'est entièrement liquéfié, une espèce de liquide qui ressemble à une espèce de purin qui coule de la cheminée. Ok, ça roule. Alors là, pour juste faire un point de règle, en l'occurrence, t'as dit un truc sur un figurant, mais je trouve ça cool, donc je valide, quoi. Moi, je vais juste me prostrer vers, enfin, sûrement vers Creftige, puisque. Loin du feu, quoi. Je marmonne, tu vois. Je me dis, bon, faudra enlever les animaux, et puis il faut balayer le sol, et après, ce Moi, sera bien, quoi. comme c'est une toute petite cabane, j'attrape Constance sous un bras et je sors de la maison, ce qui est une puanteur absolument incroyable. Donc, je quitte la cabane. Ok. D'accord. Constance, si tu... Alors, y a que toi hein, qui avais pris de l'altérité, je crois, Rôdeur. Ouais. Ouais, effectivement. Donc tu repasses à 1 en altérité. Ça marche. Donc après ce petit moment de détente, entre guillemets, qu'est-ce que vous faites hein? Il faut qu'on aille le dire à Ophélane, non? Je pense. Parce qu'ils vont pas être contents, les villageois, sinon. Ils savent pas que c'est un sorcier, je pense. Ou alors peut-être qu'ils savent et qu'ils sont d'accord avec lui. Et puis, comme Patroche a mentionné qu'il avait des amis dans le village, j'aime autant pas rester dehors à la nuit tombée. Bah oui. Retourne chez Ferme qui n'est pas encore couché. Ouais, ça roule. Bah écoute, Ophélane, elle vous dit. Bah déjà, au début, elle vous engueule parce que vous avez pris un risque. En fait, vous avez pris un risque énorme, mais enfin, elle voulait juste que vous l'espionniez, pas que vous commenciez à agir contre lui, à vous battre avec lui, tout ça. Après, elle vous prend dans ses bras parce qu'elle a eu vachement peur pour vous. Après, elle vous félicite parce que bah, vous avez combattu le mal, quoi. Après, elle vous engueule parce qu'il est hors de question que vous recommenciez de telles péripéties, quoi. Après, elle pleure parce qu'elle a eu quand même vachement peur pour vous. Après, je vous prépare une tisane parce qu'en plus, Creftige a besoin d'équité. Ouais. Et après, elle la met à la sur rhumatisme. Il est tout penché, il y a le feu de la cheminée qui lui fait une ombre immense. Elle fait. J'espère que, comment dire, J'espère que personne va vous reprocher la mort de Patroche, hein, ou sa disparition, quoi. Je sais pas. Mais il a dit qu'il avait des amis. Qu'il n'était pas tout seul au village. Ouais. Et Bah, Patroche, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais le problème, c'est que il y a comment la fille du bourgmestre, c'est une sale fille. Elle le protégeait en fait. Hein. elle, on la connaît? Ouais, vous la connaissez. S'appelle Ralberte. D'accord. Et Ralberte, en fait, bah du coup, elle a à peu près l'âge de Crèvetiche, quoi. T'as quel âge, t'as d'ailleurs le forgeron, toi, Philippe? Une trentaine d'années. Trentaine d'années, ouais. Ouais, non, qu'elle a plutôt ton âge, en fait. Elle a plutôt ton âge. Ça m'arrange. D'accord. En fait, tu te rappelles que quand vous étiez plus jeune, tu vois, vous étiez un peu plus fréquenté. Et en fait, c'était vraiment. Enfin, t'as peu de souvenirs, hein, quand même, c'est vraiment flou. Mais tu crois te rappeler que, du genre, elle torturait les autres. À l'école, elle torturait les autres gamins. C'était un peu la caïd. Elle faisait beaucoup de raquettes aussi. Et tous les gamins qui. Comment tous les gamins qui ont voulu se plaindre ou quoi, ou faut prendre des contre-mesures, ils ont eu des sérieux problèmes, quoi. D'accord. Et en fait, comment. En fait, à une époque, elle a eu le béguin pour toi et ça s'est pas fait. Et en fait, depuis, elle t'en a toujours voulu. Et notamment, en fait, il y a un de tes chevaux, crin blanc. Et un jour, tu l'as retrouvé crevé, en fait, dans sa prairie. Et c'était, D'accord. bah en fait, c'était pas longtemps après que tu l'aies, que tu lui fi, fi, comment, c'est pas longtemps après que tu l'aies conduite. Hein. D'accord. Voilà, genre, elle est un peu mauvaise perdante, quoi. Et donc, c'est une amie de Patroche. Ouais. Et tu te rappelles, crin blanc, en fait, tu l'avais trouvé mort dans sa prairie, et il y avait une sorte de purin noir qui lui sortait de la bouche et des naseaux, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, il y a Ralbert, en fait, et divers hommes du bourgmestre qui font une battue parce qu'ils recherchent Patroche. Je crois qu'ils avaient un rendez-vous avec lui et puis qu'ils ne l'ont pas trouvé, et puis qu'ils ne l'ont pas trouvé dans sa maison, quoi. D'accord. Et donc, en fait, on va faire un jet de dés pour savoir si leur piste remonte jusqu'à vous. D'accord. Alors, ils sont pas discrets hein, dans leur battue, quoi. Très rapidement, en fait, vous entendez qui se baladent dans le village avec des torches et qui crient le nom de Patroche. Hein. Moi, si je gagne le conflit, bah en fait, vous êtes capturés tous les trois. Vous êtes capturés tous les trois. Et vous allez vous retrouver dans une tout, tout, tout, tout, que vous allez vous retrouver dans une chez le bourgmestre, et vous allez subir en fait la question qu'on réserve aux sorciers. D'accord. Donc torture, c'est de la torture, hein, faut être clair et net. D'accord. Donc on peut choisir ce qu'on veut si on gagne. Oui. Bah, si on gagne, j'aimerais bien qu'on trouve Albert, mais elle est seule en fait. Elle a été isolée du monde avec. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez la trouver toute seule? On va pouvoir interroger. Ok, ça roule. Ça vous va tous les trois? Donc, moi j'ai droit à 2D. Et j'utilise comment ton traumatisme comme pour rajouter un 2 supplémentaire, Crève-Tige. Parce que comme tu as tué Patroche comme un enragé, je considère que tu as dû laisser des indices, quoi. Sans problème, ça me paraît logique. Voilà. Donc mon premier dé, j'ai fait 2. Vous partez comment dé d'humanité, qui c'est qui le lance? Allez, j'y vais. 5. Ok. Hop, j'ai fait encore 2, je suis à 4. Ben, c'est bon. Ah mais bah du Ah, il te coup reste ouais, encore, pardon, oui. il m'en reste encore un quoi. Donc est-ce que vous lancez préventivement un dé de vocation peut-être? Est-ce que je peux lancer un dé de traumatisme parce que voir le Puran Noir sortant de Patroche m'a rappelé le Puran Noir sortant de Kramna? Ouais, ok. Bon, en fait, tu vas directement au dé de traumatisme, mais il n'y a aucun problème. Et du coup, tu te notes comme empreinte. Tu notes traumatisé par le purin noir, quoi. Ok, j'en sais trois. Donc, ça vous fait un total de combien, vous? 8. 8. Bon bah j'ai fait 6, donc c'est bon, vous arrivez à choper Aralbert dans son coin en fait. Elle est là où vous la trouvez en fait, c'est elle est allée fouiller en fait. Elle a suivi une fausse piste et elle est allée fouiller sous le comment sous un vieil orme qui est c'est un arbre d'opprobre. Et en fait les gens l'ont pas suivi parce que l'endroit est à mauvaise réputation. L'arbre d'opprobre en fait c'est une espèce de gros arbre isolé, un vieil orme. Et en fait dessus les gens attachent tout un tas de trucs qui sont liés à des mauvais souvenirs, des mauvaises choses. C'est un peu comme pour exorciser quoi. Donc t'as des habits, des couteaux rouillés, il y a des habits, des sous-vêtements ensanglantés, des vieilles casseroles, et tout un comment des poupées d'enfants morts, tout un tas de trucs qui rappellent des mauvais souvenirs qu'on essaie d'exorciser comme ça, quoi. Et donc c'est là où vous la rattrapez et la isolez, quoi. Donc on passe à l'acte 3. Donc la difficulté va être de 3. Et donc je mets un chrono. Jusqu'à 45. Ah non, ça va faire bizarre. 45, j'aurais qu'une demi-heure pour l'acte 4. Ouais, moi, on va faire comme ça. Donc. 16h. Sortie. Je vais faire ça. Ok. Donc, Ralbert, en fait, c'est une femme aux cheveux noirs. Elle a un visage vraiment dur, tu vois, la mâchoire carrée. Elle est habillée assez richement, tu vois, par rapport aux autres villageois. Donc, elle a des tenues un peu brodées comme ça. Et donc là, elle a une torche dans la main et une hachette dans l'autre. D'accord. Je m'approche d'elle. Toi, Constance, t'es avec eux? Oui, T'as... je les ai suivis. Je les ai suivis quand même, Ouais. peut-être en échappant à ma grand-mère, mais une fois qu'ils m'ont vu Ouais, avec ouais, eux. ouais. Philippe, quel bon vent t'amène. Eh bien, j'ai entendu faire une battue. Et je vois qu'elle se tient juste à côté du fer à cheval de crin blanc qui est dans l'arbre, justement. Ok. Et tu vois, elle caresse le fer et elle fait. Tu te rappelles, je t'avais demandé si on avait pu, si on avait pu faire une chevauchée à deux sur ton cheval. Et puis elle essaie d'avoir une voix un peu langoureuse, quoi, mais c'est pas facile pour elle parce que généralement elle a une voix dure, quoi. Là, direct, tous les souvenirs remontent et je suis à la fois triste, très triste. Tous les souvenirs difficiles suite à la mort de Kramer me reviennent en tête et je deviens furieux, comme pris de folie. Et j'ai mon couteau dans la main et je lui mets à serrer le manche très fort. Elle te touche le poignet en fait, elle fait qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre, Philippe. Je sais très bien que c'est toi qui as tué Kramer. Tu vois, sa main, elle est vraiment très chaude. Je me dégage de sa main, je la repousse. Elle fait non, non, Crin Blanc, il est comment il est mort parce qu'il a été encrodé. Il y a des comment. Il y a des gens dans il y a des comment il y a des il y a des gens dans ce village qui sont des mauvaises personnes. Ça porte le mauvais œil. Et qui, par exemple? Je sais pas, à toi de me le dire. Tu en sais bien plus que moi là-dessus. On sait très bien ce que tu m'alléances. Et toi, moi je sais bien que tu traînes comment la petite gamine là que tu traînes autour, c'est pas très sain de traîner comme ça autour des gamines. On voit bien qu'elle a un truc, je suis sûr qu'elle a le mauvais, qu'elle porte le mauvais œil. Qu'est-ce que tu veux dire Et par là? quand elle dit ça, évidemment, elle regarde Constance. Hein. Je me cache un peu derrière les autres, mais je la fusille du regard avant, mais je dis rien. Enfin, elle me fait quand même un peu peur, cette femme d'âge mûr qui paraît dure comme ça. Mais essayer de l'approcher outre mesure par rapport à ce qu'on a pu en entendre, et je pense que Ophélane m'avait tenue éloignée auparavant. Ok. Bon, moi je vous conseille d'aller tous vous coucher, laisser les grands mener l'enquête. Ouais, enfin. Je crois que t'en fais partie des mauvaises personnes. Ferme ton claque-merde, toi. Pourquoi t'es toute seule à côté de l'arbre là? Bah, je suis en train de mener l'enquête, c'est tout. Juste que les autres n'ont pas eu les foi d'aller jusque-là. Mener Puis, tu sais, l'enquête. elle montre des traces de pas, enfin, des traces à la con qu'elle a vues, quoi. Je rappelle qu'elle est sur une fausse piste, hein, donc. Et pourquoi tu cherches pas trop dans un endroit maudit de toute façon? Qu'est-ce que tu sais de lui? Non, pas trop, c'était quelqu'un de bien. Ouais. Ah oui, quelqu'un de bien. Et c'est lui la victime, là, il a disparu. Alors, c'était ton ami. Ah oui, c'est mon ami. Il protège les troupeaux. Comment? Il protège les troupeaux de mon père. En maudissant ceux des autres. Comment, tu vois, elle agite un peu sa hachette, elle fait. Je t'ai dit de fermer ton claque-merde, toi. Je parle si je veux d'abord. Elle crache par terre. Je fais un signe contre le mauvais œil. Ok. Elle fait mine de s'en aller, en fait. Je fais mine de m'en aller aussi, mais je la suis de loin. Ok. Bon bah du coup on va faire on va faire une filature si vous voulez bien. Moi si je réussis, je vous repère et du coup il y a une contre-mesure, c'est que tout, tout, tout. Allez, on est en acte 3. Ouais, quand même, il y aura l'un d'entre vous qui sera, qui se retrouvera possédé, en fait. Possédé par le démon. Par Satan en personne. Donc, acte 3, j'ai une difficulté 3. Je vais rajouter un dé pour le purin noir, en fait. Je considère que elle te fait quand même plutôt peur. Et puis, est-ce que le fait que tu aies peur du mal, Constance, est-ce que tu participes à la filature? Oui, et justement, si, enfin, si elle dégage son aura de magie assez putride, je Ouais. peux peut-être sentir, et à ce moment-là, enfin, le dégoût, fascination que représente le côté mal de la magie peut Ouais, peut-être ouais. te sentir un peu mieux. Très bien. Ok, bon, moi je suis à 5D parce que j'ai utilisé donc les 3D de l'acte et puis un dé pour le purin et un dé pour la peur du mal. Donc. Hop, premier dé 3, le dé d'humanité, je vais le faire lancer par Philippe. T'as fait 3, c'est ça? Ok. Deuxième dé, j'ai fait 2, total 5. Dé de rôdeur par Creftige. Quatre. Donc on est à égalité. Hop, troisième dé, j'ai fait 2. Alors, si j'ai bien compris, Constance, tu jetais le dé d'empreinte, en fait. Du fait que tu as peur du mal, ça donne un dé, quoi. On a le risque d'abord, non? Ou... C'est d'abord le dé d'empreinte dans les ordres. D'accord. Enfin, après, vous pouvez faire dans le désordre parce que non, en fait, si on jouait en IRL, il y aurait en fait devant nous, on aurait une liste et chacun pourrait me poser un peu dans le désordre. Mais là, du coup, c'est plus facile pour moi de les annoncer toujours dans l'ordre. Donc, tu as fait combien, ma chère Constance? J'ai fait un. 1, donc ça fait que moi de mon là ça veut dire que vous êtes à 5 et moi je suis à 7. On est à 6. Vous êtes à 6, ok. Alors jette mon quatrième dé. J'ai 8. Qui c'est qui lance un dé de risque? Écoute, je pense que je m'approche un peu trop. Ça roule. Ah, je fais un 6. Oh, joli. Oui, Joli, et ouais, sauf que tu vas te prendre le risque. bah, c'est pas grave. Tac, tac, tac, tac. J'avais dit que si je gagnais, l'un d'entre vous était possédé, hein, c'est ça. Hein. Ok, donc vous êtes à combien au total, vous? 12. 12. 12, moins 7, 8, je suis à 12, mais j'ai encore un dé à lancer. Après, j'applique le risque tout de suite. Tac, tac, tac, ça va être quoi? Alors, toi, t'es sans attache, tout ça, t'es malade. Ah bah si, je sais, ça va être quoi le risque. En l'occurrence, mon cher Crefty, t'as dit que t'étais malade, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est quoi ta maladie? On n'a encore pas déterminé. Non, justement, ça peut être le moment. Ça peut être. Ouais, tu fais une crise en fait là. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Genre épilepsie ou un truc comme ça, tu vois. Ou tétanie. Épilepsie, ça te va? Ouais, ça me va, ouais. Du coup, je t'aurai une sorte de vision. D'accord. Tac, on va finir le jet de dé puis on verra c'est quoi. Hein. Et moi je jette mon dernier dé. 3, donc je refais les totaux parce que là je suis un peu perdu. Je pense que IRL c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait on n'a même pas besoin de faire les calculs quand on voit les dés, les poules de dés. Généralement on voit très bien où on en est, mais c'est vrai Tu dois qu'en être à ligne 15 là. c'est un peu compliqué quoi. Tu dois être à 15. 7, 8, 12, 15, je suis à 15, ouais. Et nous, on est à Et 12, vous? donc il nous reste deux potentiels. Ouais, est-ce que quelqu'un prend un dé d'altérité? Oui, comme d'habitude, je suis un gars assez épais, assez solide, un peu lourd. Là, je suis poussé par la folie et le désir de vengeance. Donc, je me glisse dans la nuit comme une ombre, presque comme un chat. Et je lance la vérité. Ok. 5. 5, bah c'est bon, vous arrivez à l'abattre. Sauf hein, comment? Sauf que effectivement, sur le chemin, il y a Kreftis qui fait une crise d'épilepsie. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui reste pour s'occuper de lui pendant qu'il fait Ouais. sa crise? Je peux Ok. peut-être essayer de reproduire ce que j'ai vu ma grand-mère qui faisait pour l'aider s'il a fait des crises en notre présence. Ouais, ok, ouais, pas mal, ouais. En fait, toi, tu es en train de faire ta crise. Donc, je considère qu'il n'y a que Philippe, en fait, qui arrive là où est allé Ralbert, d'accord? D'accord. Ok. Donc, on va voir Philippe tout à l'heure, mais on va gérer la crise tout de suite. Donc, en fait, tu commences à voir tout rouge. Et il y a comment. Tu sens une présence dans ta tête, quoi. Et c'est comme s'il y avait des cornes qui essayaient de te pousser sous le cuir chevelu, quoi, enfin à l'intérieur du crâne, quoi. Et tu sens vraiment la présence de Satan, quoi. Il y a Satan qui essaye de te prendre. Et ce que tu réalises, toi, Constance, c'est qu'il est en train d'avaler sa langue, en fait. Est-ce que, quitte à déchirer un bout de tissu ou de ma tunique ou quoi, de pouvoir rattraper sa langue pour l'empêcher de l'avaler? Ouais. Alors je suis en train de réfléchir si c'est fair play que sur un risque, ça entraîne un conflit supplémentaire. Ouais, non, on va pas faire de tout à ce stade-là. Oh là, si on va se le faire. Il y a un jet de dés en fait pour ça. Ok. Mac. Toc-toc-toc. 15h40, 16h15. Oh non, on n'est pas très avancé dans l'acte parce que du coup, j'ai déjà fait deux jets de dés dans l'acte. Du coup, j'ai plus droit qu'à un seul. Mais t'en as pas fait autant dans les précédents, donc. Ouais, bon allez hop, allez, c'est parti. Il y a un jet de dés. En fait, bah sauf que là c'est un peu cruel parce que si t'avales ta langue, tu meurs quoi. Comment ça se passe? Bah, on va dire que tu tombes dans le coma, c'est plus. Enfin, qu'est-ce que tu Oh, préférerais ou toi? je meurs, je m'en fiche, comme tu veux. Tu sais que t'as le droit d'interdire, hein, t'as le droit d'interdire des issues, donc. Ok. On est d'accord tous les deux pour dire que tu meurs si le jet de dés est raté, quoi. Oui, mais disons qu'on a suffisamment de dés à notre disposition pour contrer ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir Ok. comment c'est contré, justement. Ouais, bon, donc moi j'ai 3D et je vais rajouter le fait que tu es enragé en fait. Tu Et vois, justement, j'allais dire que moi, ça m'aide aussi. très bien, ok, il n'y Parce a que eu ça aucun m'aide souci. pour m'accrocher à la vie, si tu veux. Ouais, moi j'ai 4D. Je pense qu'on va partir sur le dé de sorcière en fait. Il n'y a pas de dé d'humanité là-dessus. Donc Pour lance le dé de sorcière. rattraper sa langue, le dé de sorcière? Ouais. Ah, peut-être que Ok. tu fais ça avec un. Ou que tu chasses le mal plutôt que rattraper la langue. Avec une incantation. Ben en fait, il y a deux choses. Il y a la crise et l'influence magique. Ouais. Du coup, et comme on avait dit au départ que ma magie pouvait pas faire un truc qui était humainement faisable, rattraper la langue, ça rentre dans le humainement faisable. Par contre, pousser le mal, non. Du coup. Ouais. Est-ce qu'il faut, Ou est-ce que autre? je fais les deux ou est-ce qu'on fait que l'un? Que c'est on fait que l'un, donc ça c'est des sorcières quoi. Ok. Bah, non, mais je considère que du coup, en fait, il arrivera, comment tu vas calmer la crise comme ça en chassant le mal, et du coup, il avalera pas sa langue, quoi. D'accord. J'ai fait deux. Ça fait deux, alors moi je jette mon premier dé, trois. Alors, un dé d'empreinte, hein. Bah, il y a celui de Crèvetige. Six. Bah dis donc. Je vais noter vos scores, ça va être plus 5, 2, 3. T'as fait 6. Alors ça, c'est pas cool pour vous. Parce que surtout 6 obtenus un dé, il y a une empreinte qui est récoltée, quoi. Donc Bah c'est pas grave. je la note. On verra tout à l'heure c'est quoi. Hein. Tac. Donc moi j'ai mon deuxième dé. J'ai fait 1. Donc pour moi, vous menez largement. Hein. Mais j'ai encore 2 dés à lancer. Est-ce que quelqu'un prend un dé de risque? Moi, je veux bien prendre un dé de risque, mais Ok. parce que du coup, en essayant de repousser, enfin, en essayant de chasser le mal, peut-être que le mal peut m'avoir moi aussi. Je ne sais pas. Peut-être, ouais. Ouais, carrément. Vas-y. Trois. Hop, moi j'ai encore fait 3, donc vous menez toujours largement, puisque vous êtes à 11 et moi je suis à 7. Il me reste un dé. Est-ce que quelqu'un prend le dé d'altérité? Là, on doit dire si on le prend maintenant ou on peut pas attendre que toi tu laisses ton dernier dé ou... Ouais, je pense qu'on peut, vous pouvez attendre. Ouais. Allez, je lance mon dernier dé. Merde, j'ai fait 3. Donc 6. Ouais, bah vous menez toujours, c'est bon. Donc en fait, elle arrive à t'arrives à chasser le mal. Par contre, Crèvetige, tu te prends une empreinte. Oui. Alors, ça va être quoi? Ça va être ta deuxième empreinte, hein, donc c'est la dernière avant le hors-jeu, quoi. En fait, il y a des comment pendant ta crise, y a des espèces de Comment y a plein de ta peau en fait elle a fait des cloques. Ça a fait plein de cloques. Alors est-ce que c'est à cause du démon ou à cause de l'exorcisme qu'a fait Constance, on sait pas trop quoi. Mais du coup t'as les mains et tous les bras cloqués et le cou aussi. Et sans doute le torse quoi. OK. Et c'est quelque chose que tu peux en... c'est quelque chose que tu peux cacher, mais il faut vraiment porter des gants, avoir des longs cols, tu vois. Parce que ça te remonte presque sous les oreilles, quoi. Hein. Il faut cacher ça soigneusement, si tu veux. Donc, cloquer. Parce que sinon, si ça se voit, c'est mal. Bah, ça peut être interprété de diverses façons. Enfin, dire, si t'as des ennemis, ils peuvent toujours dire que c'est l'empreinte du démon. Tu vois, c'est une espèce de brûlure à froid. Ouais. Ok. Donc, Philippe, toi, en fait, t'as suivi Ralbert discrètement. Oui. Et en fait, elle est allée voir Rosalie Fargent. D'accord. Rosalie Fargent, c'est une vieille dame que vous connaissez tous dans le village, hein, parce que elle a une grosse réputation. En fait, quand elle était plus jeune, son fils, comment son fils préféré, Alain, a été victime d'une grave maladie. Il y en a qui disent qu'il était possédé par le démon. Et malgré l'exorcisme, il n'a pas pu être sauvé. D'accord. Et en fait, depuis, sa mère, Rosalie, elle s'est découverte des pouvoirs de d'exorciste, en fait. Et si tu veux, enfin, c'est exorcisme désenvoûteuse, quoi, grosso modo. Donc elle gère tous les problèmes de sorcellerie du village, mais en fait, tu as même des gens qui viennent de très loin en dehors du village, quoi. Et bon, si tu veux, le curé du patelin, il la laisse gérer ses affaires d'exorcisme comme elle veut, quoi. Mais la plupart des gens du village la considèrent comme une sainte, quoi. Elle se fait appeler Notre-Dame de la Confiance. D'accord. Et donc cette vieille dame avec ses qui vit quand même dans une plutôt dans la pauvreté, quoi. Voilà, toujours en sabots avec la vieille robe. Elle a des lunettes, des grosses lunettes, tu vois. Et donc tu les vois causer bah, à travers la vitre, en fait. Je regarde un peu, j'essaie de lire sur leurs lèvres, mais je ne comprends pas bien ce qu'elles disent, donc je vais essayer d'entrebâiller la porte pour voir si j'entends quelque chose. Ouais, bah en fait, je fais pas de GD, hein, parce que je considère que c'est un petit peu là, je prolonge un peu ton succès, quoi. Et donc, Ralbert, elle dit, ouais, je pense qu'il est arrivé malheur à Patroche et tout. Et comment, là. L'autre, elle dit. Non, mais écoute, c'est pas tant pis. Je pense qu'il a pris trop de risques, mais on peut se passer de ses services, quoi. Ouais. Il vaut mieux pas que tu remues ciel et terre pour retrouver Patroche. Oublions cette affaire, quoi. Ouais. Si le vivant il refera surface de lui-même, s'il lui arrive malheur, il vaut mieux pas que on remonte jusqu'à nous. Donc fais mine que t'en as rien à faire, quoi. D'accord. Ouais, comme j'ai la certitude que Robert et Rosalie sont deux mèches avec Patroche, j'entre avec fracas et je les prends sur le fait. Tu prends des risques, t'es toute seule, quoi. Enfin, quand même, ok. Oui, je décide de le tenter. Ouais, très bien. Bah, Je brandis y mon a outil pour Rosalie, la donc tu vois saucisse. la petite vieille avec ses lunettes là. En fait, il y a plein de comment dans sa maison, il y a plein de crucifix et plein d'images pieuses de la Vierge. T'as une grosse statue du Christ. Tu sais, tout est caillé. Avec, il a été son visage a été restauré, mais mal quoi. Donc une espèce d'œil qui est blanc qui te regarde comme ça. Et puis t'as le chien qui gueule quand tu rentres, tu sais, c'est un gros Terre-Neuve là, qui était sous la table tout tranquille. Et donc quand tu rentres, il se met à gueuler comme si le démon était rentré dans la pièce, quoi. Eh ben Bien, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème pour c'est Rosalie qui parle. Mon petit Philippe, tu as un problème pour rentrer comme ça chez les gens à une heure indue en t'agissant dans tous les sens? j'ai Qu'est-ce tout qui t'a tu entendu. Je sais très bien ce que vous manigancez et vous étiez de mèche avec Patroche. Il est hors de question que je vous laisse continuer cette magie noire et tout ce que vous faites. Le village a déjà trop souffert avec vous. Tu vois, elle tend sa main vers toi, Rosalie, mais d'un air vraiment bienveillant. Hein. Elle fait, oh mon pauvre, tu as l'air fiévreux. J'ai l'impression que tu comment ouais, j'ai l'impression que tu es tendu. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te fasse une tisane? Je prierai pour la clarté de ton esprit. Je repousse sa main brusquement et je lui dis, mon esprit est très clair, c'est justement maintenant que je vois la vérité. Depuis toujours, vous avez empoisonné nos vies et vous nous avez maudits. Et là, elle te regarde. T'as ton arme de sortie? Mais c'est un tout petit couteau. C'est un couteau à saucisson que j'avais amené pour la fête. Ah, ok, mais est-ce que t'es menaçant avec ton arme ou à Oui, ce je brandis stade-là? Ah, ouais, la ok. balle. Oh, alors, Rosalie, elle fait. Comment. Ah, il est possédé, il est possédé par le malin. Et puis comment, Louis, Louis, lève-toi. Louis, c'est son fils. Hein. Louis, lève-toi, il est possédé. Père Jacquemin, Jacquemin, c'est un Père Jacquemin, en fait, c'est un des, c'est un prêtre séminariste qui est logé chez Zal, en fait. Il y a souvent des, pardon. Il y a souvent des prêtres séminaristes qui viennent en pèlerinage chez elle. Levez-vous, il est possédé par le démon. Et puis tu vois, elle sort un crucifix, elle sort une salière en fait, puis elle jette du sel dans ta direction en fait. Ralbert, va chercher l'obédite, vite. Tu fais quoi? Pas grand chose parce que ça ne m'atteint pas vraiment. Arrêtez cette mascarade. On sait très bien tout ce que vous faites. Avouez. Oh là là, comment? Ouais, je vais faire le truc. Et en fait, ça, si tu veux, elle te regarde. Elle te jette du sel, elle dit que t'es possédé, tu vois. Et en fait, tu vois, je sais pas si c'est l'effet de ses lunettes à triple foyer ou l'espèce de piété qu'elle dégage. Puis elle a, en fait, elle a un charisme vraiment de fou, quoi. Et en fait, tu sens que, en fait, elle essaie de te faire entrer en crise de possession, quoi. Est-ce que je peux contrer ça? Ouais, bien sûr, ouais. Bon, allez, je suis un peu gourmand, hein, du coup, vous avez le droit de me l'interdire, parce que là, je rajouterais bien un jet de dé, en fait, pour ça, quoi. J'essaie de faire un geste vers elle avec mon couteau pour essayer de toucher sa main ou son bras pour la distraire okay. Et l'empêcher de continuer ça. Très bien. Donc, moi, j'ai 3D... traumatisé par le purin noir, ouais, ça compte pas là, c'est trop lointain. Ok, donc j'ai 3D, donc vas-y, jette ton dé d'humanité. 3. Moi je suis à 2, tu peux jeter ton dé de guerrier. 1. Donc tu étais à 4, moi j'arrive à 5. Est-ce que tu jettes, t'as pas dans... Je vais prendre le jet de risque. Ok. 3. Moi, j'arrive à 9. Et puis, j'ai fini. Donc, toi, t'as combien là, toi, au total? 7. Est-ce que alors, tu peux essayer de rajouter le... Alors, des dés d'empreinte... Enfin, là, ça me paraît un peu tordu. Enfin, après, si tu me justifies, tu me justifies, mais... Pas trop. Ouais, du coup, ça va être... Ah mince, je t'ai même pas fait définir ce que toi, tu voulais, d'ailleurs, mais... Faire avouer Notre-Dame de la Confiance. Ok, ça roule. Bah, tu peux tenter... Ouais, tu peux tenter de rajouter des d'altérité ou des traumatismes. Dans mon mouvement pour essayer de l'atteindre, je me dresse droit vers elle et je pousse un énorme cri. Et je lance un grand coup de couteau vers elle, comme un ours qui lancerait un coup de biff. Ok. Tu passes. Vas-y, jette ton dé. Ok, c'est bon. Donc, tu arrives à l'abattre. Donc, tu as senti qu'elle essayait de te posséder, mais ça n'a pas marché. Et donc, elle fait « Ah, oh, c'est bon, comment si tu… comment… repose ton arme si tu veux que je te dise ça, je vais te le dire. Oui, oui, comment… Oui, on connaît pas Troche. Oui, il travaille pour moi. Mais de toute façon, comment tu pourras jamais le prouver. Si, parce que j'ai un témoin, le père Jacquemin a tout entendu. Et ouais, là, le père Jacquemin, il vient d'arriver, en effet. Et puis là, elle dit au père Jacquemin, comment, regardez, il est fou, il est possédé. Comment, il me force à dire des horreurs. Comment. Et là, elle se met à pleurer, en fait. Tu sens qu'elle est vraiment une bonne actrice, quoi. Comment, il me force à dire des horreurs. Ah, le père Jacquemin, en fait, il réfléchit pas, enfin, pas plus que ça. Il commence à. Comment? Il commence à sortir. En fait, il commence à sortir. Il y a des cordes qui sont dans un placard. Bon, visiblement, c'est prévu à cet effet. Enfin, ils doivent y avoir souvent recours, quoi. Philippe, comment? Philippe, mon enfant, au nom du Christ, repose ce couteau. Agenouille-toi devant le Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Père Jacquemin, vous ne comprenez pas, cette femme fait de la magie noire. Oh, blasphème, blasphème, Notre-Dame de la Confiance. Jamais. Puis alors là, il y a Louis qui arrive, son fils. Et tout. Louis, c'est pareil, il arrive avec des cordes. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu. Sachant qu'ils vont essayer de t'encorder ou est-ce que tu te barres là? Je renverse une chaise pour barrer le passage et j'essaie de m'enfuir. Ok. Bon, du coup, il comment il te course, mais sans grande conviction, et t'arrives à les semer sans problème, quoi. D'accord. Sachant que vous avez peut-être besoin de vous reposer un peu pour baisser votre altérité, là. Du coup, j'étais à deux en altérité. Ouais. Oui, bah dans ce cas, je cours jusqu'à un coin bien sombre. Il y a un bosquet tout proche. Je m'assois, je réfléchis à ce qui vient de se passer. Constance et Creftige, maintenant que vous êtes calmés, est-ce que vous partez à la recherche de Philippe? Bah, j'imagine que oui. Ok. Donc vous allez peut-être le retrouver un peu plus loin, effectivement, dans son buisson, quoi. T'as les chouettes qui ululent. Y a des corbeaux qui prennent leur vol dans les arbres et tout. Ouais. Et tu vois, il y a toutes les silhouettes sinistres des arbres qui entourent comment qui vous entourent quoi le bocage là cette espèce de clameur sinistre et humide qui monte des marais alentour quoi tout un tas de cœurs de grenouilles et puis comment les moustiques aussi Et puis de loin en loin, à travers le village, perçant comme perçant la ramure des arbres, on voit les éclats des torches des paysans qui sont toujours à la recherche de Patroche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut se débarrasser de Albert à vos amis. Elles étaient les complices de Patroche. Elles chercheront forcément à se débarrasser de nous. Tu veux dire qu'il faut qu'on les tue? Soit les tuer, soit les empêcher de continuer à faire de la magie noire. Et comment on empêche quelqu'un de faire de la magie noire? Faut les exorciser, peut-être. Tu sais faire ça, toi? Oui, avec les pouvoirs constants, c'est possible. T'as besoin de quoi, Constance? Il faut quelques plantes, il faut certainement des sortilèges que grand-mère garde et de l'eau bénite. J'ai besoin de grand-mère et de calme pour pouvoir faire ce rituel. D'accord, on va la voir alors. Ok. Est-ce que les pouvoirs de sorcière de Constance pourraient donner à la nous l'apparence de patroche? Bah ça, je pense que ça mériterait un jet de dés parce que c'est quand même bourrin comme sorcellerie, quoi. Donner à qui l'apparence de patroche? Un nous choisi. Vous allez voir comment vous allez voir Ophélane d'abord? Vaut peut-être mieux. C'était mon idée, mais je sais pas. Ok. On peut y aller. Donc ouais, Ophélane, comment, bah là vous la remarquez, je veux dire vous la réveillez, genre elle était sur son fauteuil à bascule, genre mais elle a pas du tout dormi en fait, enfin, je pense comme si elle commençait à piquer du nez quoi, mais jusqu'à présent elle a essayé de veiller parce qu'elle était vachement inquiète de vous savoir dans la nature quoi. Et puis ouh, et comment, là elle se réveille, il y a son chat qui se barre. Donc, je suppose que vous lui expliquez un peu la situation. Ouais. Ah, Rosalie Fargeant, c'est pas possible, hein, je peux pas y croire. C'est une sainte, c'est une désenvoûteuse. Je l'ai vue de moi-même pratiquer l'exorcisme à plusieurs reprises. Elle a clairement dit qu'elle n'employait pas de proche. Ouais, elle te l'a dit, mais tu l'as menacée, quoi. Qu'est-ce que ça a? Quelle valeur ça a, quoi? Non, elle l'a dit avant que j'arrive. Elle savait pas encore que j'étais Ah oui, c'est là. vrai, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, bah non, ça, oui, je te crois, oui. Moi, je veux bien te croire, quoi. Et je suis sûre que c'est ma mère qui a tué mon cheval. Ah ouais. Bah, vous pouvez essayer, mais je vous préviens, comment, si. Déjà, je pense que vous prenez des risques. Et si vous êtes pris sur le fait, vous pourriez être banni du village, quoi. Oui, mais on peut pas les laisser continuer. Vous comprenez que tout le monde est sous l'emprise de Rosalie, hein, dans le village. Enfin, les gens, ils la vénèrent comme. Je vois tous les gens leur apporter des pommes de terre, des petites pièces en argent. Des petits souvenirs, des brocantes diverses pour la remercier d'avoir guéri des rhumatismes, d'avoir sauvé des vaches, et d'avoir Elle est libéré des peut-être gens du possédée démon, maintenant. quoi. Elle est Pardon? peut-être possédée maintenant. Ouais, peut-être qu'elle est possédée maintenant, ouais. Ou peut-être que tout ce qu'elle guérissait, c'était sa faute à elle. Ouais, en fait, c'est vrai que maintenant que vous le dites, le truc, c'est que moi, je l'ai jamais vu guérir. Enfin, je l'ai vu guérir des gens, mais en fait, il y a plein de gens, il y a des gens qu'elle suit depuis des années et des années, et en fait, leur état, il s'est pas tellement amélioré. Alors, à chaque fois, ils disent qu'il y a de mieux, puis elle les envoie faire des pèlerinages. Il y en a même un qui est mort parce qu'il a fait un pèlerinage, il a traversé la forêt, et puis du coup, il s'est fait tuer, on ne sait pas par qui, un brigand ou un ours. En tout cas, c'est Mais sûr c'est vrai qu'on qu'il y aura a, y a pris eu la vie du village. quelques guérisons miraculeuses, et du coup, ça lui a fait une réputation, quoi. Et puis, comme elle est. Les gens la voient comme une sainte et elle parle bien. Elle parle comme dans les évangiles. Ces séminaristes, ils ont quand ils sont à côté d'elle, ils ont des visions de Dieu. Ils se mettent à réciter, ils se mettent à parler sous la dictée des anges, tout ça. Ah, Ouais, les gens la vénèrent. ça me paraît pas très normal tout ça, hein. Ouais. Ouais, mais écoutez, je n'agissais pas seul. Je veux être à vos côtés. Non, c'est trop dangereux. Bah justement, c'est bien parce que c'est dangereux qu'il faut que. Enfin, là, qu'une vieille. De toute façon, moi, je suis une vieille croûte, j'ai plus rien à craindre, et puis vous aurez besoin de mes pouvoirs, quoi. Bah oui, mais qui c'est qui s'occupera du village si t'as un problème? Ah, mais tout ira bien. Tiens, je rencontre un truc, c'est qu'il n'y a aucun dé rapporté par l'environnement. De toute façon, si elle vous aide, elle peut même pas vous filer de dé, quoi. Non, elle peut juste être l'enjeu des éventuels risques, des complications, des machins et tout, quoi. Ouais, c'est ça, mais raison de plus pour vous de ne pas la prendre avec. Je m'en rends Alors, en même compte. temps, elle peut faire paratonnerre. Ouais. C'est elle qui Ouais, meurt, non, mais c'est elle qui meurt et pas nous. on va garder ça comme ça. Enfin, si elle vous aide, vous rapporte pas de dé, hein, c'est juste qu'elle vous aide, quoi, mais ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse du coup? Ok, bon bah très bien, on va vous voulez que je vous aide à faire un rituel quoi. Eh bien effectivement il faut aller comment il faut aller convaincre le curé qu'on a besoin d'une grande quantité d'eau bénite. Et puis comment toi le forgeron il faut que tu forges comment il faut que tu forges une lame parce que une lame que tu feras bénir par le curé aussi. D'accord. Et donc tu devras attendre, il faudra le faire une nuit de pleine lune, hein, donc on peut pas faire ça tout de suite. Hein. Et donc tu fais bénir par le curé, et c'est en fait si Rosalie devient trop dangereuse, ben il faudra lui arracher le cœur, quoi. C'est en dernier recours, si l'eau bénite marche pas, c'est ce qu'il faudra faire, quoi. Et toi, Constance, eh bien, il va fa en fait, on va, il faut qu'on fasse ton initiation, en fait. On l'a pas encore faite, et tu seras pas assez efficace si on la fait pas d'ici là, quoi. Oui, grand-mère. Alors, je mets mon. Donc là maintenant on est à l'acte 4. Donc on va faire l'initiation de Constance si vous voulez bien. Donc ça se passe en fait une autre nuit en fait. C'est une nuit consacrée à un saint particulier, tout ça machin. Et en fait il faut que vous partiez comment tous les trois. Il faut qu'il y ait un volontaire pour porter grand-mère Ophélane sur son dos. Je la porte. Ok. Et donc en fait vous partez en fait dans la forêt direction un vieil ermitage. Constance en fait elle t'a demandé t'as dû passer une semaine sans manger et quasiment sans boire en fait. D'accord. C'est la pleine lune? Non, c'est une autre lune en fait. C'est là en fait l'initiation, c'est au contraire c'est au moment de la lune noire quoi. Ok, donc comment vous avancez dans la forêt, voilà vers l'ermitage quoi, hein, pour faire la purification de Constance quoi. Et à ce moment-là en fait, sur le chemin de l'ermitage, c'est une vieille forêt. En fait, le bocage, au bout d'un moment, il fait vraiment place à la forêt, quoi. Donc, vous allez monter le long sur les parois du cirque rocheux, quoi. Donc vous êtes presque au sommet, quoi. Et donc tu as des vieux arbres tout noirs, tout à moitié fondus et craquants, quoi. Et en fait, à un moment, il y a un truc qui sort des fourrés, quoi, et qui s'en prend à vous. De prime abord, je te dirais que c'est un loup, mais en fait, clairement, vous voyez tout de suite que c'est autre chose, quoi. Ce truc se jette sur vous, en fait, sur ses, comment, en se levant, il se tient presque debout, quoi. Et il est tout, en fait, son ventre est garni de grosses mamelles qui ont des yeux qui vous regardent comme ça. Et puis il y a des bouches qui vomissent. Enfin, le truc, il vous attaque avec ses griffes, tu vois, ses griffes putrides, et en poussant un râle absolument dégueulasse. Et en fait, c'est pas un animal, hein, que vous avez face à vous, quoi. C'est un horla, quoi. C'est ce qu'on appelle, sans doute, ce qu'on appelle les varous, les loups sorciers. Moi, je peux pas me défendre parce que je. Je sais pas si. Bon, je pense que j'ai un bâton pour marcher, tu sais, pour. Et je vais essayer de l'éloigner en faisant des grands moulinets du bâton. Ouais. En poussant des Le cris. but du varou, si je gagne, en fait, je bute la mémé. Cool. Je peux essayer de le bloquer par ma magie et ma volonté? On n'a pas une torche allumée dans la gueule? Ouais, mais en fait, comme dit Constance, si tu veux, en fait, c'est un varou, c'est un horla, quoi. Un loup normal, t'agiterais la torche, effectivement, ça l'enquiquinerait. Mais là, si tu veux, c'est en fait son poil ne brûle pas, quoi. D'accord. Mais pour le moment, je me mets de façon à ce que Ophélia ne soit pas du côté du nord là. Moi j'ai 4 dés et je vais rajouter un dé supplémentaire à cause du mal de Constance, quoi. Donc je suis à Ok. 5 dés. Mais alors, on fait quoi finalement? On part sur le dé de sorcellerie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Constance qui essaye de repousser le horla, quoi. Hein. Ça marche. Principalement, c'est la base du truc. Donc moi j'ai fait 3 dés de sorcellerie, Constance, s'il te plaît. 5. Ok. Cassé. Encore 3. Quelqu'un pour le. Est-ce que quelqu'un a une empreinte qui l'aide? Bah, moi j'ai tué un homme comme un chien enragé, donc Ouais. Ok. Donc toi, tu te jettes sur la bête, quoi. ouais, je me jette sur la bête, ouais. Ok, vas-y. Et je fais 4. Ok. Oula, j'ai fait 6, donc moi je suis à 12 là maintenant. 12 contre 9. Quelqu'un prend un dé de risque? Ouais. Comme c'est un horla, peut-être que je m'expose à sa magie ou. Ça roule, très bien. J'ai fait 2. Vas-y, je lance le dé. Constance? J'ai Lys? fait 2. Ah ok, autant pour moi, j'avais pas entendu. Ouh là, vous êtes mal là. Hein. Hop, moi je rejette, j'ai fait 5. Donc je suis largement en tête. Hein. Bah, je vais prendre un dé d'altérité, hein. Ok. Faut Attention, c'est ta voir. dernière altérité avant le. Ah, remarquez, autant Non, pour je suis moi. retombé Parce que à vous avez 1. eu une introspection hein, tout à l'heure. Donc, tu étais à 1. En fait, tu es à 0 là. D'accord. Pareil, Philippe, t'es redescendu à 1. Oui, je peux aussi prendre un jet de risque, prendre le risque de reposer Ophélane quelques instants pour tenter de jeter un couteau sur dehors là. Ouais, ok. Alors, attends. D'abord, jette le dé d'altérité, Ouais. Crève-tige. Ouh, 6. Ah, parfait. Pardon? Ouais, tu vas te choper une empreinte. Ah ouais, non, ça c'est pas glauque du tout. On va Ah, faire surtout ça que c'est la après, mais du coup, troisième. tu vas te prendre ta troisième empreinte, ouais. Au contraire, là. Ok. Et ouais. Oh, bah, je pense que je le fais tomber de l'autre côté de la haie ou une connerie comme ça, et que je disparais dans la forêt avec lui et qu'il va finir par me transformer. Ah ouais, ça c'est, il y a des chances que ce soit ça. Enfin, on verra quand ce On sera verra, on fini, parce verra. qu'on ne sait pas encore qui gagne le conflit, donc ça peut avoir une influence. Tac. Et donc moi, je jette mon cinquième dé. Alors, oh là, je fais encore 6. Donc moi, je fais 6, 12, 18, 18 et 5 font 23. Et Alors, je mène sur vous, on va jeter le dé de risque de comment? De Philippe. oui. Alors, donc, ben, j'ai posé au félin. Je vais voir si j'arrive à planter un couteau. Deux. Là, je vous mène largement. Donc, il vous reste le dé de traumatisme. Bah, je... tant qu'à faire. Alors, je pense qu'il faut être logique. À mon avis, tu peux pas te le prendre en plus, quoi. T'es à 3, tu peux plus te prendre d'empreintes supplémentaires. Donc, tu peux pas Donc te là, dévouer pour le groupe. je peux peut-être le prendre, le dé de traumatisme, vu que ça, enfin, vu que c'est un monstre affreux, que je suis une enfant et que ça vise ma grand-mère. Ouais. D'accord. 5. 5. Alors, je refais les totaux. Ça. Ça. Ah, attendez, j'ai l'impression. Est-ce que je suis. Ah oui, ouais, 5 et 6, ça. Ouais, c'est bon. Comment? Vous l'emportez de 1 point. Wouh! Ok, bon bah effectivement le combat a été vraiment rude, mais au final toi à Constance, c'est vrai que ton objectif c'était juste tu voulais le repousser de toute façon le Varou. Oui, enfin, je voulais l'arrêter. Ouais. Oui. Est-ce que ça te va si on fait comme a suggéré Crève-Tige en fait, c'est que le Varou en fait non seulement il s'arrête, mais surtout il s'en va, mais en emportant Crève-Tige avec lui, quoi. D'accord. En fait, tu vois, Crève-Tige a été, comme il commençait déjà à pas mal s'animaliser, il a été subjugué par le Varou et il part avec lui dans la forêt, en fait. Oh. Ce que je te propose, Julien, c'est que du coup, pour le reste de la partie, tu peux endosser le rôle d'Ophélane. Ouais, si tu veux. Si tu as envie de continuer à jouer quoi sur les 20 minutes qui nous restent. Ouais, bah Et sinon du j'écoute, il n'y a pas de souci. Hein. ce qu'on va faire, tu sais quoi, c'est que tu vas jouer au Félan. Mais pour pas déséquilibrer le jeu, parce que du coup on arrive avec un perso qui est tout frais. Je pense que je vais Vieux même le perso, rajouter. j'espère. C'est qu'en fait, tu joues au Félan, mais au Félan ne rapporte pas de dés. Oui, c'est ça, je fais juste ces petites remarques. Et... Voilà. Et je considère par contre que si Ophélan meurt, quoique l'exorcisme. L'exorcisme n'est même pas possible en fait. Ok. Suite à ça, en fait, Ophélane, au début, elle veut, ah, il faut rattraper Crève-Tige, il est parti avec le Varou, c'est horrible. Ah, bah, excuse-moi, Julien. C'est pas grave. Non, bah, Non, t'es pas obligé qu'elle ait dit ça, en fait, désolé. non, ça me va, y a pas de souci. Ok, bon, bah, du coup, Julien slash Ophélane a dit ça, quoi. Ouais. Non mais les enfants, il faut pas le laisser partir comme ça. Je reprends Ophélane sur mon dos. On se met en route, on part à sa poursuite. On va pas le laisser tomber. Alors, vous avez le. Il faut que je note aussi ça. Comment? Je pense que vous avez senti en fait que. En fait, comment? Vous pouvez. Vous sentez qu'il est perdu, en fait. Il est perdu pour l'humanité, quoi. Donc c'est à vous Non, de mais. voir, mais vous, le entre guillemets, le Kreftige que vous avez connu, il reviendra jamais, de toute façon, quoi. En désespoir de cause, enfin, je l'appelle quand même en criant Kreftige! Non, les enfants, c'est terrible, mais je crois qu'il faut qu'on fasse cet exorcisme, sinon on ne pourra jamais le faire revenir. D'accord, on va faire l'exercice. Je mets en route avec Ophélène sur le dos. Fais attention quand tu marches, ça secoue un peu trop là. Il faut qu'on se dépêche. Pas de temps à perdre. Ok. Ils savent qu'on est sur leur trace. Bien, bien. Ok, ça roule. Donc, vous allez à l'ermitage. Donc, Constance, bah, je te rappelle que tu as jeûné pendant une semaine, quoi. En plus, c'était un jeûne extrême, parce que tu pouvais même pas boire, quoi. Donc, en fait, c'est comme si tu étais drogué. Hein. À ce stade-là, tu dois avoir limite des visions, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que, ouais, il y a une prière à faire à l'intérieur de l'ermitage. Alors, l'ermitage, en fait, c'est une chapelle, mais complètement en ruine, quoi. Les pierres sont couvertes de mousse. Et donc, là, tu réalises qu'il y a une espèce de. C'est pas un bien-être qui t'envahit, je pense que c'est autre chose, quoi, mais c'est une espèce de connexion en fait avec l'univers un peu tout autour, quoi. D'accord. C'est comme si tu pouvais sentir les énergies qu'il y a, et c'est quelque chose d'à la fois très apaisant, enfin, ça apporte la joie, mais aussi la douleur, quoi. Le fait d'avoir toutes les racines énergétiques du monde qui essayent de se brancher sur toi, quoi. C'est beaucoup pour une petite fille, en fait. Oui, je t'écoute. Je pense que enfin, peut-être que Constance, avec tout ça, ça l'a fait un peu pleurer, qu'elle a l'air un peu déboussolée, mais qu'en même temps, enfin, elle y va. Parce que, à la fois subjuguée, mais. Ouais, ok. Alors ça, c'était une scène. Ça compte pour une scène d'introspection, parce que évidemment, pendant que t'as cette espèce de révélation, bah, les autres, ils attendent et puis ils prient aussi. Enfin, tout le monde est calme. Et donc, Philippe, tu repasses à zéro en altérité, quoi. Donc ensuite, vous avez la scène. Comment? Il se passe un truc en fait entre cet épisode-là et puis la pleine lune où tu pourras faire bénir ta lame. En fait, c'est que Bathilde chope une comment ah bah c'est ta sœur d'ailleurs ta sœur Bathilde en fait est prise d'une crise de démence mais enfin démence slash possession démoniaque quoi. D'accord. C'est-à-dire que en fait un jour, elle est au lavoir, quoi. Et en fait, elle se met à déchirer ses vêtements. Et les autres lavandières, elles ont dit, elle s'est mise à gueuler des injures horribles. Elle a vraiment dit des insanités qu'ils n'ont jamais entendu dire. Et elle s'est arrachée les cheveux, en fait, sous leurs yeux, mais vraiment par poignée entière, jusqu'à ce qu'on voit le sang et le cuir chevelu, quoi. D'accord. En fait, il a fallu que toutes les lavandières, elles se sont mises à 10, tu vois, pour la maîtriser. Et en fait, là, elle est au chevet parental, quoi. Et ça dure, quoi. Enfin, des fois, elle a des instants de calme où elle est quasiment dans le coma. Puis après, ça reprend où elle se met à gueuler des injures. Elle, comment, Elle se pisse dessus, enfin, c'est plus inhumaine, quoi. C'est vraiment très effrayant. Son visage est vraiment durci. Enfin, tu vois tous les autres, son visage tendu. Donc là, je suis à son chevet. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, tu vois, elle transpire à grosses gouttes. Mathilde, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis Satan! Je suis Satan! Oui, quand même. Elle te chope le bras, puis il y a ses mains qui sont crispées, qui te labourent le bras. Elle est ultra tendue. Moi, je prends peur, Elle je claque les bave. bras et j'essaie de la maîtriser. Mathilde, voyons, reviens à la maison. Elle tremble. Et en fait, tu sens une odeur infecte. En fait, elle vient de. Comment elle est en train de perdre contrôle de son corps, quoi. Il y a quelque chose qui se met à couler du drap. C'est un purin noir? Ouais, c'est comme du purin noir, quoi. Ah ben ça me rappelle tout de suite Crâne Blanc et Patroche, donc je commence à prendre peur. Ouais, puis elle t'insulte, en fait, elle te raconte des trucs dont tu te rappelais à peine maintenant qu'elle te dit. C'est tous les petits, des petits trucs honteux que tu as pu faire quand tu étais plus jeune, tout ça, qu'il y a qu'elle qui était au courant, te les balance à la figure, oh, tu sais, quand tu as fait tel truc, c'était obscène, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment, tu sais, genre, elle parle vraiment pour te faire mal, quoi. Moi, je sais pas quoi faire parce que d'un côté, je ne veux pas la faire souffrir et la laisser posséder par le démon, mais c'est ma sœur, donc je ne veux pas non plus la tuer. Je décide d'appeler Ophélène à la rescousse pour savoir ce qu'on peut faire. Elle est dans le coin? Bah, je suppose qu'elle est pas loin, oui. Ouais. Je l'avais posée là, justement. Ophélène, Et... est-ce que tu peux faire une potion, un remède? Peut-être pour l'endormir, mais on ne pourra pas vraiment l'aider tant que le mal n'aura pas quitté le village. Qui avait pu lui faire ça? Bah, si j'en crois ce que vous m'avez dit, c'est tu sais qui. Ouais. Il faut qu'on se débarrasse. Et à ce propos-là, en fait, ça a comment... Il y a tes parents, Philippe, qui s'amènent dans la pièce. Ouais, on est d'accord pour dire que Ophélane, t'es au chevet. Enfin, Philippe t'a amené au chevet de Bathilde ou t'es. Non, bah ça va, oui. Ok, très bien. Constance, je sais pas si t'es dans les parages. J'ai pu venir avec ma grand-mère, enfin, Ouais, surtout avec cette ok, ouais. histoire d'exorcisme. Bon, bah Philippe, en fait, il y a tes parents qui disent, bon, bah, on va appeler Notre-Dame de la Confiance, il n'y a que elle qui peut faire quelque chose, quoi. Il y a hors de question, j'ai aucune confiance en elle. Mais c'est Notre-Dame de la Confiance, il faut lui faire confiance. C'est la petite sœur des pauvres, enfin, c'est... Non, laissez-moi faire avec Ophélane, on va gérer la Comment situation. son fils Alain est mort pour qu'elle ait le don de désenvoûter. Justement, elle a perdu la raison après le décès et elle s'est lancée dans des sortes de rituels bizarres. Ouais, bah, du coup, il y a les parents, ils font, enfin, ils flippent à mort, évidemment, pour la petite, quoi. Et ils disent, enfin, on veut Ophélane, c'est vrai qu'on a confiance en elle, on sait que c'est une guérisseuse, donc on vous laisse ce soir essayer un truc. Et si ça rate, après, nous, on fait venir Notre-Dame de la Confiance, quoi. Hein. D'accord. On fera ce qu'il faut, on lui donnera des chevaux en récompense, mais nous, on veut que notre petite, elle revienne, quoi. Tu vois, ils pleurent, quoi. Enfin, ils n'en peuvent plus, quoi. Ben c'est d'accord, on s'en occupe ce soir. Ok. Donc, vous êtes parti en mode exorcisme. Donc là, votre idée, c'est effectivement, en fait, la plonger dans un coma, le temps de pouvoir régler le problème de Ouais, Rosalie, c'est ça, hein? c'est ça. Ouais, très bien. Donc on va partir. Moi, je suis sur 4D. On va partir sur. Bah, je rajoute un 5ème dé avec le purin noir qui se dégage de Bathilde. Et D'accord. puis un 6ème dé parce que. Clairement, l'empreinte du mal, tu la sens vraiment sur, enfin, Constance, tu vois vraiment l'empreinte du mal sur le visage de Bathilde. Hein. Donc moi, je suis à sidé, quoi. Du coup, je peux essayer de repousser ou de l'endormir sous les conseils de Ouais, tout à fait. enfin, faire ce que me dit Ophélane, en Ouais. fait. Donc moi, je jette mon premier dé. Ah oui, mais attendez, là, je suis en train de me dire. Parce que. Vu le temps qui reste, je ferai pas le jet de dés là-dessus, moi. Ouais, tu penses qu'on n'a pas le temps pour plusieurs jets de On peut, on dés, peut, mais. ouais. Ouais, non, t'as raison. Ouais. Parce que finalement, Ouais, non, non. Ouais, l'endormir, t'as ça doit pas raison. être si Bon, compliqué. vous arrivez à la plonger dans le coma. Mais ce que je vous propose, c'est que c'est un coma dangereux, quoi. C'est-à-dire que si vous foirez le. Ouais, non, non excuse-moi, ouais, elle est dans le coma. Elle est dans le coma. Voilà, c'est un coma dangereux. Ça veut dire que dans le sens où, dès que vous aurez géré Rosalie, il faudra vite retourner au chevet de Bathilde pour voir si elle, pour vérifier qu'elle va bien, quoi. Et si vous gérez pas Rosalie, le risque, c'est que Bathilde, elle meurt, quoi. Bah oui. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Si vous arrivez pas à dégager Rosalie, elle va mourir, quoi. Ok, fort bien. Je fais une ellipse, hein, dans le sens où le curé, il accepte de bénir ta lame une nuit de pleine lune. Il donne une messe, il bénit toute ta forge, machin. Enfin, vous êtes tous là. Hein. Et il fait, enfin, il faut surtout pas que ça sache que je vous ai aidé, quoi. Pas de problème, ça Voilà, reste c'est en tout ce secret. que je ferai. Après, moi, je reste en dehors de ça, quoi. Aucun problème. Pas de problème, mon petit Stéphane. Ce serait pas la première fois que je garde tes secrets, Voilà, hein. il se barre, il n'y a pas trop envie de causer. Nickel. Ouais, bah, du coup, vous décidez de comment, dans quelles circonstances vous voulez attaquer Rosalie, en fait. Faut lui tendre un piège. Ouais, ben ça lui arrive en fait d'aller voir des possédés, tu vois. Ou sinon, ça lui arrive aussi de venir se recueillir sur la tombe d'Alain, son fils, quoi, dans le cimetière, quoi. Ouais, on pourrait trouver le cimetière. Ok, de jour ou de nuit? De nuit, on verra moins. Ok, super. Ouais, donc c'est la nuit. Comment la lune des rousses et comment c'est promis en fait dans le cimetière bon, tu vois toutes les tombes sont un peu de traviole hein, c'est fait de briques et de broc hein. T'as quelques chapelles qui sont habitées par les chauves-souris on voit l'ombre tordue en fait du bocage qui répond à l'ombre tordue des pierres tombales et puis il y a la tombe d'Alain qui est couverte de fleurs, quoi. Il y en a partout, et puis de fleurs, puis il y a aussi c'est ça qui est marrant, enfin, il y a aussi des betteraves, des pommes de terre, des carottes, enfin, des offrandes qui ont été faites, quoi. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont reconnaissants envers Rosalie, eh bien, fleurissent la tombe. Ça fait aussi partie, d'ailleurs, des rituels qu'elle leur demande de faire, partir en pèlerinage, aller prier sur la tombe de son fils, tout ça, machin. Et donc, Rosalie arrive en face de la tombe et donc elle s'étend en fait par terre, les bras en croix, pour prier son fils, quoi. Elle fait Alain, Alain, mon petit Alain. Je profite qu'elle est à terre pour lui lancer un gros pot de fleurs sur la tête. Ok, bah ça, si tu veux, ça la réveille. Enfin, ça la réveille, c'est fou. Ça la somme pas, quoi. Elle se redresse, elle a la gueule en sang, quoi. Mais elle est trop. Quelque part, elle est trop costaud pour que ça lui fasse vraiment du mal, quoi. Qui a fait ça? Et tu vois, elle commence à agiter son crucifix. Montre-toi, démon. Et là, je pense que... Ah non, on a dit qu'elle pouvait pas marcher, Ophélane. Ophélane, Ou alors très lentement, elle peut peut-être. marcher, mais lentement, ouais. Je pense qu'en s'appuyant sur deux cannes, et en sortant de la pénombre... Oh. C'est fini. Voilà. C'est fini pour toi. Aussi vrai que je suis au chevet de mon Alain, ce sera jamais fini. C'est fini tes malédictions et tes sorcelleries impies. On Arrière va sorcière, le démon m'a te déjà pris mon libérer. Alain, tu n'en prendras pas d'autre. On va te Moi je libérer du comptais sur mal. elle. Ce qui est effrayant, c'est qu'elle a l'air. En fait, elle a l'air vachement sincère, quoi. Il y a des. Enfin. Elle est vraiment pas claire dans sa tête, quoi. On s'est quitté, fiancé du diable. Elle commence à vous balancer du sel et de l'eau bénite. Je pense qu'on se met en place pour commencer l'exorcisme. Ouais, vous l'entourez du coup. Oui, je comptais sur elle pour la restreindre. Ok. Pour Alors, empêcher de moi tomber. j'ai 4 dés. Tac, tac, tac. Je vais rajouter un dé du fait de la peur du mal de Constance. Et en fait, tu vois. Comme toi, quand tu, si j'ai bien compris, Philippe, tu t'es rué vers elle, hein, c'est ça, hein? Oui, moi je me suis jetée sur elle Ouais, pour ouais, ouais. lui mettre les bras derrière le dos et qu'elle arrête de se débattre. Bah, en fait, tu vois, là, l'eau bénite, elle a une sorte de goupillon, quoi. Et en fait, elle te jette de l'eau bénite, mais quand ça arrive sur toi, à ton contact, ça se transforme en purin noir, quoi. Et donc, je rajoute. Je monte à 6 dés, quoi. Voilà, c'est le dernier jet de dés, hein, à marquer un peu les trucs. Donc, moi, mon premier jet. Oh, j'ai fait 6. Dés de sorcellerie, Constance? Alors, deux. Ok. Hop, j'ai fait 5. Est-ce que quelqu'un a un dé d'empreinte? Oui, moi. Traumatisé par le purin Traumatisé noir, avec c'est le ça? chemin noir, Ouais, oui. bah vas-y. Cinq. Ok. Quelqu'un prend alors 5. Moi j'avais 6 dés, j'avais dit. Hop. Ouais, j'ai encore fait 5. Donc pour le moment, je vous mène, hein, assez largement. Tac-tac-tac. Est-ce que je tente Est-ce que. un jet de vocation pour guerrier? Parce que Non, c'est le... parce qu'en fait, on est sur un dé de sorcellerie, quoi. Donc il n'y a D'accord. pas de dé de guerrier. Pas de Ouais. problème. Donc du coup, Peut-être mon est-ce dé de que. risque? Ouais. Très bien. J'ai fait 4. Ok. 4e dé pour moi. Pff, je suis navré. Hein. J'ai fait 6. Hein. Donc je suis largement devant vous. Non, mais de toute façon, t'es à 6 dés, on peut monter qu'à 5, hein, donc... Ah ouais. C'est chaud. Donc c'est... De toute façon... C'est ma partie, ouais. Bah ça dépend, hein. Je peux enfin pouvoir encore faire du 6. On peut, on peut. Je pense que je me demande si je ferai pas des 6 explosifs pour les PJ. Je vais réfléchir. Je me le note dans ma tête. Ouais, on va faire ça. Vous continuez à jeter des dés. Si jamais vous faites du 6, c'est du 6 explosif, c'est-à-dire que ça permet de relancer le dé. D'accord. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que quelqu'un prend le dé d'altérité? Est-ce que le dé d'altérité, ça peut marcher si enfin, moi par rapport à ma magie, comme si je me sortais un peu de mon corps, comme s'il y avait cette espèce de transcendance bizarre, mais au niveau de l'esprit, Ouais. enfin, pas animal comme les autres, mais Ouais, très bien. Ouais, oui, juste c'est ta de façon moi-même. particulière. Ouais. Très bien. D'accord. Trois. Ok. Hop, 5e dé pour moi. J'ai encore fait un 5. Ouais, tu triches. Ah, elle est bourrine, hein, c'est le boss de fin en même temps. Hein. Du coup, des traumatismes, vous pouvez essayer quoi. Ok, je sais. C'est quoi ton traumatisme exactement? Le fait qu'elle ait justement un rejet du purin sur moi, je comprends qu'elle était à l'origine de tout ce qui m'est arrivé par le passé. T'es Autant de. traumatisé par la personne de Rosalie en particulier, quoi. Ok. Très bien. Ah, je t'en prie. C'est ma Némésis. Le 3, j'ai fait. Eh ouais, en fait, comment. Bah, du coup, vous y arrivez pas, quoi. Ah, mais je me rends compte, j'ai même pas défini les trucs, quoi. Pour nous, c'était des jeunes filles. Moi, j'ai pas défini mon objectif. Vous vouliez la tuer en quelque sorte, hein, c'est ça. Hein. Oui, l'exorciser, la tuer. L'empêcher d'utiliser la magie noire. C'était Ouais. l'objectif de l'exorcisme au départ. Alors, je considère que comme elle a gagné, en fait. Ouais. Elle vous. En fait. Elle vous. Elle comment. Elle vous donne un choix en fait. Elle fait comment soit vous quittez le village, soit vous mourrez quoi. Mais par contre, Bathilde restera ici. Elle est à moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez-y. Je resterai là, moi. De toute façon. Ouais. Et donc elle met sa main sur ton front, elle fait j'extirpe le démon de ton corps quoi. Et en fait elle retire sa main et il y a du purin noir qui s'écoule de tes oreilles, de ta bouche, tout ça et tu t'écroules morte. J'hurle. Toi, petite fille, tu peux rejoindre ta grand-mère et cesser de souffrir. Je peux extirper le démon de ton corps. Accepte l'exorcisme ou va-t'en à jamais. Ne t'approche pas! Elle s'approche de toi, tu vois, avec sa main crochue. Je me mets en travers. Donc du coup, elle s'apprête à te mettre la main sur le visage. Donc soit tu te fais tuer, soit tu fuis, quoi. Je pousse Constance pour qu'elle court et se sauve. Ok. Tu t'en vas du coup, Constance, protéger, enfin, pendant que Philippe protège tes arrières? J'essaie comme si je pouvais tirer Philippe, mais enfin je vois bien que je peux pas et j'ai tellement peur, enfin je fuis. Ok, ouais. Et donc. Tu m'arrêtes, hein, Philippe, si j'ai mal compris tes intentions, mais du coup, comment tu effectivement tu couvres la fuite de Constance, et alors que tu fais ça, donc il y a Rosalie, elle fait sois calme, mon petit, tout va mieux aller. Elle t'impose les mains aussi sur le crâne, quoi, et tu sens ton cerveau qui se met à fondre et devenir du purin, et après, il n'y a plus aucune souffrance. Et en fait, suite à ça, Rosalie s'étend les bras en croix devant la tombe d'Alain. Elle fait oh, Alain, mon petit Alain, ils sont tous devenus fous. Et en fait, il y a quelque chose qu'elle ne remarque pas, notamment parce que c'est couvert par l'odeur de toutes les fleurs, quoi. Mais il y a du purin noir qui s'écoule de la tombe. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, c'est la fin de cette partie. Je vais la rajouter. Ok.